Merci pour cette soirée en tout cas, c'était encore fort là d'être avec vous. La grosse question hein, qu'on vous a posée toute la soirée, enfin en fin de soirée, c'était est-ce que Sucé s'est trompé? Je vais la poser bien sûr à Mickaël que vous allez retrouver maintenant, No Limites sur Fun Radio. Bonsoir Mickaël. Salut. Il n'est pas là. On peut là, voilà, j'ai pas poussé sur un bouton, autant pour moi, c'est la faute de Toff. Ouais, évidemment. Salut, Mickaël. C'est la faute de Toff, bien entendu, comme d'habitude. Cette pourriture de Toff. Oui, exactement, d'ailleurs, tout ce qu'il mérite, c'est une grosse claque dans sa gueule. Alors, avant, bien sûr, de balancer un dossier sur Karima, hein, parce que je sais que vous avez des doses là ce soir. Juste une petite question, Mickaël. Est-ce que Sucé s'est trompé? Eh ben, moi, je serais tenté de dire oui, mais bon, rassurez-vous, Toff va passer derrière. Mais hein. Moi, je suis tenté de dire non. Voilà. Non, parce que. Sucé, c'est juste goûter. Exactement. Et tant qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas trompé. Mais oui, si tu n'aimes sûr. Pas l'autre femme, tu ne la trompes pas. Et qu'en pense le doc pour avoir un vrai avis? Moi, j'ai pas de, ça dépend des situations. Évidemment, il faut pas non plus transmettre à mal. C'est pas bon. Voilà. Alors, doc. Il y a des coups de canif qui sont donnés quelquefois comme ça. Faut pas en l'air un couple pour une simple. Ah, t'appelles ça un canif, toi? Oh, oui, bien sûr. Un coup de canif dans le contrat. Un coup de canif dans le contrat. Je retiendrai cette expression. Pas de doc est très imagé comme garçon. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y avait comme dos sur Karima? Parce qu'elle a chanté, elle a chanté sur Carly Rae Jepsen. Ah, j'ai tout donné. Ah bah oui. Il y a surtout une. Moi, j'aurais bien voulu tout donner, mais malheureusement, elle m'a pas rappelé. Le shuffling avec Redfoo était extraordinaire. D'ailleurs, hein. J'ai une version filmée de ma vision. C'est sympa aussi. Là. Je la mettrai sur le Facebook. Me dis pas que ma jupe elle s'est soulevée. Je ne dis rien. Ah, c'était mon stress. Ouais, à mon avis, il a tout filmé. Hein. Il en est bien capable. Fais des tours avant. Non, mais juste pour vous dire, c'était vraiment très agréable de bosser avec Mickaël. Vraiment. Me suis bien fait chier avec Karima. C'est pas grave. Grâce à toi, j'ai rencontré Polo et Toff et je suis folle d'amour pour eux, donc tout va bien. On t'aime, Karima. Alors que j'allais dire que tu étais ravissante à Starflow, je ne le dirai pas. C'est pas grave, on le dira à nous, Karima. Tu étais ravissante. Je ne le dirai pas, c'est comme ça. Voilà. Le petit short noir. Ils l'ont pas vu, cette tenue-là. Je peux me permettre, c'était une petite combi short. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, toi, il s'en est pas remis encore. Hein. Non, moi, ça m'a. J'aurais fait des photos. Hein. J'explique pour que tout le monde comprenne. Les garçons ont assisté à mes essayages, donc ils ont vu les tenues que je n'ai pas portées finalement sur la scène. Voilà. Heureusement que je l'ai pas portée. Et c'est dommage qu'elle l'ait pas portée parce que ça ou nu, c'était pareil. Les photos, les amis. Je pense qu'on va se renseigner. Mais si on avait su, on en aurait fait. Je confirme. Bon, allez, retour demain à partir de 20h. Ça roule. Et nous, on est parti jusqu'à 2h. Bonne soirée, Love in Fun. Bonne soirée à tout le monde. Et puis c'est parti. Ciao. Tous les soirs, 23h, 2h. Vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, No Limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Bon, pardon, je me crois encore un peu au Starfloor là. Bon, c'était tellement fort justement. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? D'ailleurs, on vous avait rediffusé la soirée Starfloor hier soir à minuit sur Fun Radio pour ceux qui n'étaient pas avec nous samedi. Et c'est dommage, hein, il manquait malheureusement le plus grand. Et la grande star a malheureusement décidé de ne pas venir. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer mes orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Mais rassurez-vous, Merveille. Mais rassurez-vous, il a confirmé sa présence à Starfloor 2014. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en effet. Bon, c'est le premier artiste déjà confirmé. Oui, premier artiste déjà confirmé. Soyez les bienvenus dans Mickaël No Limites. Alors moi c'est Mickaël, on est ensemble du lundi au jeudi de 23h à 2h et puis le dimanche également 20h minuit. Faites-le savoir autour de vous, hein. Vous avez déjà bien commencé puisque je rappelle le chiffre 589 000. C'est notre premier bulletin des audiences qui est tombé. Donc c'est bien, vous avez bien fait passer le message à tous vos potes, à vos amis, à la famille, etc. Continuez parce qu'on peut faire mieux. Hein, beaucoup mieux. C'est vrai, on peut faire même beaucoup mieux. Et vous pouvez faire beaucoup mieux. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Le million. Donc continuez. Bah, par exemple, je compte sur vous pour faire passer le message, bien entendu. Donc si vous voulez passer l'antenne, le standard est ouvert rien que pour vous. Il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0 et vous arriverez comme Gauthier avec nous. Salut Gauthier. Salut à toute l'équipe. Comment ça va? Ça va bien? Salut. Ça va. Bon, est-ce que t'as vu Starfloor ou pas toi ce week-end? Ouais, j'ai écouté, ouais. Ah, donc t'as pas vu Karima? Mais non, je l'ai pas vu. Ah là, j'aurais bien aimé, mais bon. Ah bah oui, mais bon, va voir sur internet, il doit y avoir des photos qui traînent, on en mettra. Et comme Toff, pardon, ça a stické tout le week-end. Lui il a une fois. Ah bah attends, sur la combi noire. Il s'en remet pas là. Ah bah non, il s'en remet pas. Pour moi, Karima, ça restera toujours ce petit combi short. Je la verrai toujours sortant de sa loge. Eh oui, avec le combi short. Oh là là. Ah, enfin bon, une histoire, on vous expliquera plus en détail un peu plus tard. Bon, dis donc, t'as passé une bonne journée, Gauthier? Ouais, ça va, tranquillou. T'as fait quoi? Bah, pas plus, le taf. Bon, bah, c'est déjà bien. Tu fais quoi dans la vie? Bah, je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance, d'accord, ok, voilà. Très bien. Oh, il voilà. y a le short qui passe là. Le short passe. Oh, le combi short vient de passer là. Attends, on peut plus. Bon, écoute, reste avec nous. On va parler avec toi dans quelques minutes. Comment va Sandro également? Bah, ça est-ce va que t'as trouvé un nom pour ton clep? Bah, oui, parce que non. Depuis hier, Sandro a un nouveau chien. Oh là, quelle horreur. Une chienne. Ah, ouais, c'est une chienne. Voilà, elle a une chienne et ça lui va tellement bien. Ça ne m'étonne pas. Voilà, on cherche un nom. Attendez, je vais vous mettre la photo maintenant. Je l'avais calé là. Coupe ta radio, Gauthier. Voilà, ouais. Coupe ta radio, attention, voilà. Je vous la mets sur Instagram, Twitter et sur Facebook, la photo de la chienne de Sandro. Alors c'est l'année du I, paraît-il. Voilà, c'est ça. Donc on cherche un prénom en I. Donc, qui commence par I, ouais. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, hashtag Mickaël, vous mettez les prénoms que vous imaginez qu'on pourrait donner à la chienne de Sandro. Pareil sur Facebook, vous pouvez aussi donner vos avis. T'as une idée toi, comment est-ce qu'on pourrait appeler la chienne de Sandro, Gauthier? Je sais pas, Inès, Ina, j'en Inès. Ouais, Inès, c'est bien. Ina, pourquoi? Bah, serait contente, Ina, la chanteuse, tiens, très bien. Bon, bah, bref, si vous avez une idée, hein, si vous avez un nom de chienne comme ça qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas. Sandra. Non, Paris. Pardon. Donc, hashtag et Mickaël, je compte sur vous, bien entendu. Toff qui a passé une bonne journée également, hein. Oui, magnifique. J'ai repensé à ce combi short toute la journée. Bah, oui, j'imagine. Bon, j'ai encore une question pour te faire de nouveaux amis ce soir. On en parlera dans quelques minutes. Oh. Eh oui, en attendant. Et puis les beaux poils de cul. Voilà, c'est un beau conseil. Et puis j'y retourne. Bah Polo qui continue évidemment à jouer du pipeau, hein, ouais. À son nouvel amant, Stéphane. Oh mais arrêtez avec ça, c'est une fille. Mais non, ouais, mais d'accord, mais c'est une nouvelle fille, mais fut un temps, ça ne l'était pas. Si. Elle s'appelle Stéphane et ça voilà. A toujours été une fille. Elle a été très très bien refaite. Si je puis me permettre d'ailleurs. Ça se fait pas, c'est respectueux. Non, mais c'est pas respectueux. C'est juste que voilà. Je l'embrasse d'ailleurs, c'est lui. Voilà, il lui joue du pipeau tous les soirs devant chez elle. À sa fenêtre en espérant qu'elle descende. Voilà, devant chez lui, elle, je ne sais pas. Enfin bon, bref. T'imagines. Tu voulais dire un truc, Gauthier? Ouais, je peux avoir un petit message de bienvenue. Oh bah écoute, avec plaisir, pas de problème. Pitoyable, mais pas digne de pitié. Voilà, et j'en ai même encore un petit là. Allez vous faire faute. Exactement. Bon, ce soir, on offrira également un sextoy au quatrième du Top Tweetos. Donc si vous voulez participer, suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Par exemple, en proposant des prénoms pour la chienne de Sandro. Commençant par un I, puisque c'est l'année du I. Oui, puisque Sandro, il est blindé, il se prend des chiens de race. Ouais. Hein, c'est ça qui est fort, donc c'est quand même pas mal. Je suis loin d'être blindé. Donc hashtag et Mickaël pendant l'émission. Et puis plus vous envoyez de messages, plus vous aurez de chance d'être dans le top 5 à la fin de l'émission justement. Et de repartir avec votre petit sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien sûr. Et puis ce soir je vous cale le son de Dubs. Il y aura aussi Global DJs et les Goulding. Il y aura Eminem, hein, mon son préféré pour l'instant, avec Rihanna. Avec Monster. Et puis on se mettra bien avec le clan Carousel. Voilà, là on sera bien là. On sera en mode chill. C'est ça. Voilà, tétère, ça tranquille. Fait plaisir. Mais ouais. Si vous voulez écouter des sons en particulier, n'hésitez pas. Si vous avez des demandes en particulier, hein, n'hésitez pas. Donc hashtag et Mickaël sur le Twitter. Vous pouvez demander aussi hein, sur le Facebook, il n'y a pas de problème. Facebook.com/Mickaël officiel. Et puis attention, Gauthier, est-ce que tu sais ce qu'on offre toute la semaine? Non, la paix, non. Des combi shorts. On peut offrir la paix, effectivement. Ouais. Non, cette semaine, on en a filé une hier, PlayStation 4. Hier, on l'a filé sur le Facebook. Ce soir, on la file sur la colle. Voilà, la colle que, justement, on va prendre Stacy avec nous, là. Bonsoir, Stacy. Bonsoir, Stacy. Comment vas-tu, Stacy? Mais ça va, et vous? Bah, écoute, plutôt pas mal, Stacy. Bon, bien alors. Stacy. Après, d'abord la colle. Oh. Non, d'abord les choses importantes. Bon, Stacy, attention, tu vas poser une colle maintenant. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il est tiré au sort et qu'il passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle tout à l'heure à 8h30 ne décroche pas, c'est toi qui gagne la PlayStation 4, d'accord? Okay. Attention, PlayStation 4, si tu la gagnes, c'est pour toi ou c'est pour ton mec ou... Pour moi. Pour toi, d'accord. Hier, c'est Jenny, une fille qui a gagné hier. Hein. Émilie ou Amélie, je crois. Émilie, oui. Émilie, voilà, qui a gagné. Bravo à elle. Bon, on y va, Stacy, vas-y, fais péter la colle. Alors, plus on tire dessus et plus je deviens court. Que suis-je? Plus on tire dessus et plus je deviens court, c'est ça? Oui. Bon, plus on tire dessus et plus je deviens court, que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Je vous mets la colle également dans quelques secondes sur le Facebook et le Twitter en tapant Mickaël officiel. Vous nous rejoindrez comme ça et vous pourrez lire la colle et y répondre également si vous le souhaitez. Donc je répète, de la colle de Stacy là, plus on tire dessus et plus je deviens court. Que suis-je? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bonne chance tout le monde, on donne la réponse avant 8h30. On peut lui demander comment... Ah oui, alors vas-y. Alors combien mesures-tu, Stacy? 1m68. Combien pèses-tu? 68 kilos. Mmh, c'est bon ça. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 40. Oh! Attends, j'ai pas la musique. Ah, c'est dommage parce que la bonne! Je l'avais perdu. Bonne! Bonne, bonne, bonne, bonne! Eh bah, et pas mal, pas mal, Stécie. Bon. En plus, avec la PS4, là, ce sera plutôt pas mal, là. Hein. Ah bah. Tu pourras jouer pendant que ton mec te fera les trucs. Enfin, bref, une histoire. Bon, alors, Stécie, bonne chance en tout cas pour la PlayStation 4. Et bah, on va te reprendre dans quelques minutes pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qui arrivent en plein milieu de l'émission, par exemple. Il y a également Johan qui dit on proposait l'Alika pour le chien. Mais non, ouais, il faut un I. Voilà, il y a Ryuku77 qui dit Inea. Clem qui dit putain, j'ai le même chien Ibiza. Non, en même temps, en I, c'est pas facile. Ouais, Ibiza, c'était une idée, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est aussi pour la chienne, il y a Mystique qui dit pour la chienne de Sandro, il y a plein d'idées, Ibiza, Idesia, Inaya, Indiana, Inès, Infinity, Ina, pourquoi pas, Fabienne qui dit infidèle pour ta chienne, pas mal, Fabienne aussi, fidèle, ouais, il y a Xtra qui dit à laquelle appeler iPad, iPod, ou iPhone ou iMac, ah oui, pas mal ça. C'est bien, non? Ah non, c'est moche. Hein. Ah si, iMac. iMac vient ici. Hein. C'est bah génial. Ouais. Allez, iMac. Allez, iMac. Ou comme Jean-Pierre Sauzère. C'est compliqué à dire. Itunes. Ouais. Comme dirait Jean-Pierre, c'est Daoud Douida qui proposait ça. Tiens, pour le club de Sandro. Itunes, ouais, c'est drôle. C'est bien ça, Itunes. Mais non. Bon, à voir. Bon, si vous avez des propositions, Stécie, tu l'appellerais comment le chien de Sandro? Enfin, la chienne de Sandro. Alors là. T'as pas d'idée? T'as pas été voir la photo? Non, pas encore. Ah bah, je l'ai mis sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission en tapant Mickaël officiel, vous nous rejoindrez comme ça. Vous allez voir la photo de la chienne de Sandro. Bah, c'est un petit chien, hein, c'est un chiot encore. C'est un chiot, ouais. Voilà, donc si vous avez des idées, elle l'a depuis hier, elle n'a pas encore donné de prénom. Donc bah allez-y, proposez. Et puis bah si le prénom proposé est retenu, eh bah, on l'appellera comme ça. Et on l'invitera dans l'émission. Voilà, on fera une interview. on fera une interview du chien pour voir un peu comment ça se passe. Quand elle sera propre, hein. Si elle est bien traitée. Exactement. Pour l'instant, elle chie partout. Voilà, donc on aura de grandes conversations. Très intéressante. Et ce sera pour Toff évidemment. Voilà, c'est un chien qui grogne mais bizarrement quand même, hein. À mon avis, il doit être malade le chien quand même. Ouais. Bon, Gauthier, on parlera de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. Bah en gros, on a vraiment pas de chance en fait. Ah, ce sont les choses qui arrivent. Si t'essaies de me gratter la PlayStation 4, ça marchera pas. Hein. Non. D'accord, non mais je dis ça parce qu'il y en a plein, tu sais, en général c'est souvent ceux qui disent ouais vous trichez, qui envoient des messages privés, ouais tu peux me tirer au sort pour la PlayStation. Bah ouais mais non, parce que si je tire au sort sans jeu, en fait c'est moi, c'est là que je triche. Ouais c'est ça. Ouais mais non mais comme ça tu me prouves qu'il y a vraiment des cadeaux. Bah, ouais c'est ça, c'est bien essayé, ouais, mais tu iras voir ailleurs si on triche ou pas. Bon Gauthier, donc du coup tu voulais parler de la malchance quoi, c'est ça? Ouais voilà. Bon ouais. Alors bouge pas, on va en parler dans quelques minutes. Si vous aussi vous êtes poisseux, eh bien appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique. Le 02 851 4x0. Et puis il y a le sous-sous chef qui vient de passer en nous faisant un gros fuck. Ouais, ouais, c'est honteux. Voilà, et ben on le fuck également. Non, mais attends, il est sérieux lui ou quoi? Sans déconner. On montrera pas la photo de Karima en mode. Voilà. Petit short. À cause du sous-sous. Sandro, qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Tu voulais dire un truc? Elle a des problèmes de voix, on l'entend mal. On l'entend mal, là, elle a perdu sa voix là. Tu voulais dire un truc? Bah non, pas du tout, j'allais décrocher dans l'autre studio. Ah oui, d'accord, oui, mon cul d'aller gratter un café au sous-sous chef, arrête ton cinéma. Allez, on écoute le son de Tsunami dans quelques minutes sur Fun Radio. Et on aura aussi le chéri que je peux te faire cocu ce soir, hein, comme tous les lundis. Si vous voulez participer, on va jouer. Allez, avant minuit, on joue au chéri que je peux te faire cocu sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, no limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est déjà de retour sur Fun Radio en direct dans toute la France. Le retour de Levin Fun, ce sera demain dès 20h. Et puis ne le ratez pas également, Bruno dans la radio tout à l'heure. Attention, j'ai fait mon défi lancé par JB la nuit. Hein. J'ai fait mon défi, il m'avait demandé d'imiter Bruno sur la scène de Starfloor samedi. Ouais. Défi réussi, j'ai même fait un petit bonus pour ceux qui n'étaient pas là. Et ben rendez-vous tout à l'heure à 2h du mat avec l'arrivée de JB. Donc oui, le défi bien entendu, hein, c'est-à-dire le roulage de pelle avec Toff et le filet de bave. Ah oui, il va y en avoir, il a fait le malin, et bien il va payer cher. Brosse-toi les dents. Très cher, oui, brosse-toi bien les dents. Oui. Bon, allez, continue à donner également vos idées pour le prénom du chien de Sandro. J'ai mis la photo du chien sur le Facebook, allez voir. facebook.com/mickaël officiel, donnez vos avis bien entendu. Et puis trouver un nom aussi pour le Klebs, hein, pour le chiot justement là. On va également vous offrir la PlayStation 4. Je vous rappelle la colle dans quelques minutes. Le temps de s'écouter le son de Dubs maintenant sur Fun Radio, un son que vous avez découvert évidemment sur Fun Radio dans Party Fun tous les week-ends sur Fun Radio. Ça démarre le vendredi, hein, Party Fun jusqu'au dimanche soir. Le son de Dubs qu'on écoute maintenant, c'est Tsunami sur Fun Radio, 23h16. On est en direct jusqu'à 2h du mat comme chaque nuit. Faites passer le message. Le son de Tsunami, c'était Dubs sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Attention, ça cherche grave hein, sur Facebook et sur Twitter un prénom pour le chiot de Sandro. On proposait Idiot. Oh ben c'est... non. Ah si, c'est drôle, Idiot. Attends, c'est Idiot, c'est bien. C'est une chienne, je vous bah, idiote, idiote, c'est pareil. Allez, Idiot, allez, viens ici, Idiot. Chez le vétérinaire, je vais avoir l'air con. Ah bah franchement, ça peut être allez, pas mal. Là, comment ça s'appelle, Idiot? Bah, Idiot, voilà, c'est ça. Il y a Asseo qui demande à Valentin pour le prénom du chien. Il y a Pierre qui dit Idiot, c'est le nom du chien, pas pour toi, bien sûr. Mélanie qui dit trop mimi ta nouvelle chienne Sandro. Là, moi, je proposerais Izzy, Ina, Ivana, Isis ou Iriana. Ah, Isis, on était dessus sur Isis. Ou Ibis, comme l'hôtel. Non, non, bah, l'hôtel. Il l'avait appelé comme ça, s'il te plaît. Ibis. J'ai dit, ah non, c'est mort. Ah, sinon, il y a Atedar qui dit pour la chaîne, c'est Irvana. On proposait Ikael. C'est bien ça, Ikael. C'est bien. Ikael, c'est bien. Ikael. Ikael, oui, c'est pas mal ça, Ikael. Il y a Réré72 qui dit moi aussi, j'ai trop la poisse en ce moment. Bon, on va en parler avec notre ami Gauthier de la poisse, justement. Angelina qui dit Mickaël et sa super équipe. Bon, quand je parle d'équipe, je parle bien sûr de Sandro, Polo et Toff. Cette espèce d'œuf moisi qui pue la chiasse. Oh ah oui, c'est le retour de d'Angelina, l'ami de Toff. On proposait Ivrogne également. Ivrogne. Ouais, Ivrogne, c'est drôle. Il y a Mister Flo qui dit ah, Ibrahimovic pour le chien. Ibra. Eh ouais, tu l'appelles Ibra. Si c'était un mâle, j'aurais appelé Ibra. Ibra, Ibra. Ivana, il y a Jason qui dit c'est quoi ces cols de pervers depuis pas mal de temps. Bah non, c'est pas ça. Il y a Lilki des îles qui dit Iridessa pour la chienne. Et alors, il y a le qui dit pour la chaîne de Sandro, il y a aussi Independence, Ixi, Inox ou encore Isa. Bah pourquoi pas, hein. Il y a encore M, il y a SEO encore qui dit Easy, Zida, Ice. Ice pas mal ça, Ice, ICE, ah, comme ice. La glace. Ah ouais. Comme ouais, ouais c'est pas ice. Mal. Ibaya, Inaïs. Ouais, c'est compliqué aussi. Hein. Et Mystique qui proposait plein d'idées, Ibiza aussi, Desia, Inaya, Indiana, Inès, Infinity. Il y a Daoud Douida aussi. Itunes comme disait Jean-Pierre Saucer. pour le club de Sandro, il y a Isis, mais ça marche mieux avec une chatte. Il y a eBay. Oui, bah oui, avec un I alors évidemment. eBay, ouais. IKEA. Ah oui, IKEA, pourquoi pas. Ça va pas, non. Pourquoi oui, pas. Le chien a monté soi-même. Oui, le chien en kit. Bon, allez-y, hein, facebook.com et le Twitter également, vous mettez le hashtag Mickaël pour proposer des noms pour le nouveau, la nouvelle chienne de Sandro. Mettez vos messages, on est déjà à plus de 1000 commentaires, donc c'est bien, continuez, on va faire un tri dans toutes ces propositions-là, et puis bah, on vous donnera le nom que Sandro aura choisi tout à l'heure, donc restez bien avec nous. Je rappelle également qu'il y a la PlayStation 4 à gagner avec Stacy qui est avec nous, toujours là Stacy? Oui, toujours là. Très bien, alors attention, on remet le couvert avec la colle pour repartir avec ce soir la PlayStation 4. Bon, alors, vas-y Stacy, refais péter la colle. Alors, plus on tire dessus et plus je deviens court, que suis-je? Plus on tire dessus et plus je deviens court. La bite. Bah non, normalement c'est plus tu tires dessus, plus ça monte. Oui, mais pas celle de Toff. Ah, celle de Toff marche à l'envers, c'est ouais. Vrai. Bon, plus je tire dessus, plus je deviens court. On proposait, il y a Andy qui proposait moi. Non, hein, j'imagine. Non. Il y a Maeva qui dit un poil. Je vois pas en quoi un poil, non. Tu tires dessus, il devient pas plus court. La bite de Toff, c'est le bœuf ferré qui proposait ça. Non. Un élastique. Non plus. La patience. Non. Non, bon, bah tant pis alors. Hein. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, allez-y les autres. Hein. M-I-K-L, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook, hein, facebook.com/M-I-K-L officiel pour gagner votre PlayStation 4 qu'on vous offre en exclu total. Et attention, la réponse peut tuer. Faites gaffe en répondant. Non, mais c'est vrai. Ah oui, la réponse peut tuer. Bon alors, Stacy, reste avec nous. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne la PS4 et toi tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle en direct ne décroche pas, c'est toi qui gagne. D'accord? Ok. Bon, à tout à l'heure Stacy. À tout à l'heure. On donne la réponse avant 00h30, plus on tire dessus et plus je deviens court. Vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique et Rancard également pour jouer sur Facebook si vous voulez. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Bon go. Ouais. Parlons poisse maintenant, tiens, puisque tu nous en parlais. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Ben, ça fait à peu près, on va dire, un an qu'il y a des trucs vraiment pas cool qui m'arrivent, en fait. Genre Ben, l'année dernière, j'ai fait 3 AVC. Quoi? Comment? Ouais, j'ai fait 3 AVC, j'avais 18 ans, donc c'est chaud quand même. Ah putain, oui, c'est chaud, effectivement, ouais. J'ai failli y passer. Mais tu fais des sports extrêmes, un truc? Non, même pas. Ah oui. Ah bon putain c'est ouf, c'est quoi? C'est une maladie? C'est parce que t'étais pas t'avais un problème genre de création? T'es un problème à l'usine? Non. Non, pas spécialement, en plus c'est ça le truc. Les touristes ils savent pas trop d'où ça vient. Donc ah ouais, putain, oui, ça c'est plus que la poisse, ça c'est au-delà de la poisse encore. Après, quand je suis sorti de l'hôpital, 15 jours après, je suis retourné parce que j'ai fait une colite néphrétique. Wow. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Bah, c'est quoi? Quand tu chies. En fait, j'avais un caillou dans le conduit qui est du rein à la vessie. Ah, et d'accord. En fait, ça me bloquait le rein, tu vois. Oui, je vois, ouais, putain, c'est une angoisse. Ça fait mal de chien, il paraît. Ouais, c'est l'équivalent. C'est toi qui l'as déjà eu ça, non? Non, enfin moi j'avais juste eu des petits caillots mais pas de colique derrière quoi. C'était, il avait eu un caillot dans la bite. Et voilà, ouais, ça. Et par contre c'est marrant parce que quand tu vas pisser en fait t'entends le truc qui tombe dans le En plus ça doit faire un mal de chien passer comme ça dans le reste et horrible, tout là. C'est horrible. T'es obligé de prendre des antidouleurs sinon. Oh, quelle horreur. Sinon ça te défonce la bite. Et quoi d'autre? Bah après. Enfin c'est là, déjà pas mal la note hein, mais. Ouais, là il y a pas longtemps j'ai ma maison qui a cramé. Mais quoi, accident ou on l'a fait exprès? On sait pas trop, un accident électrique on pense. Oh là là. Et alors quoi d'autre poisseux là? Ben jeudi dernier là, je mixais dans un café à Rodez. Ouais. Et j'ai ma table de mix qui est en plein milieu de la soirée, ben bim, elle a complètement lâché. J'étais en plein milieu de soirée, c'est la totale là. En plein milieu de la soirée, c'est tout le monde danse et puis bouh. Voilà. Et voilà, tout s'arrête. Bah c'est pas mal en termes de poisse quand même hein. Je pense qu'il faut peut-être aller voir un marabout hein. On peut pas rappeler celui qui avait notre ami là, Michael Jackson. Ah ouais, si on peut éventuellement l'appeler. Bah attends, on va essayer de trouver son numéro de téléphone. Bah reste avec nous Gauthier, on va essayer de l'appeler dans quelques minutes. Tiens, bouge pas de là. On aura Jean-François aussi. Salut JF. Salut. Comment ça va? Bien, merci. Bon, on parlera de quoi dans quelques minutes avec toi? De mes fantasmes. De tes fantasmes? J'ai de gros fantasmes. Et te touche pas quand tu nous parles. D'accord. Très bien, bah écoute, on va en parler dans quelques minutes. Alors Jean-François, hein, j'ai très peur. Ne bougez pas. Ah oui, c'est vrai que. Je ne comprends pas. C'est vrai, j'avais oublié, je devais fêter. Attends, t'as quoi une seconde, il faut que je retrouve. Fêter l'anniversaire. Bah il y en a plusieurs, hein, notre. Merde. C'était Adeline qui avait son anniversaire aujourd'hui là. Et elle passe son permis de conduire pour passer nous voir exprès à la radio. Oh c'est cool. Et c'est demain le permis de conduire, donc elle va le rater malheureusement, mais la deuxième fois ça ira mieux. Voilà, bon anniversaire Adeline. Bon anniversaire et bonne chance pour le mi-père. Voilà. Voilà. Et bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui dans l'absolu, 26 novembre donc. Bon, on fera quelques appels aussi avec toi parce que je viens de tomber sur une info dramatique. Ah bon? Un couple sur 7 ne fait plus l'amour. Comment? Oui, c'est une étude anglaise. Ça sert à quoi d'être en couple? Bah écoute, je sais pas. Bah peut-être le mariage, l'argent. Voilà, il y a d'autres choses. Ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent partager. Enfin, ça, tu peux aller tout seul aussi. Ils peuvent s'aimer, quoi. Bon, c'est quand même chaud, cela dit. Donc, venez nous dire aussi la dernière fois que vous avez fait l'amour et où vous l'avez fait. Voilà, comme ça peut être bien. Tof, tu vas appeler pour demander justement depuis quand ils ont plus fait l'amour? Bah avec plaisir. Puisque apparemment en Angleterre c'est un couple sur 7 quand même violent. Hein. Mais oui c'est chaud quand même. Ah, c'est quand même très violent. Donc dites-nous la dernière fois que vous avez fait l'amour c'était quand? Et puis dites-nous aussi où c'était. Hein, voilà. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Sur le Twitter vous nous le dites avec le hashtag Mikael et vous nous appelez en direct 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4 x 0. On va également saluer Charlie et Eugène qui sont passés nous voir deux auditeurs. Ça va les gars? Et qui était à Starfloor, hein. Ils ont les t-shirts, Starfloor, j'y étais, tout ça, ouais, ça ils m'ont dit cool, pas changé depuis. Hein. Était, ouais. Ah, c'était cool Starfloor. Ah bah c'était énorme. Vous avez vu Karima, elle était belle hein. Ah ouais, t'es pas mal. Ah, Dodo était pas mal. De quoi? Même Dodo était pas mal. Ah oui, même Dodo, oui, bah bien sûr, évidemment. Parce qu'il faut expliquer qu'en fait, ils ont acheté leur place en dernière minute. Ouais. Et donc ils étaient. En fait, quasiment trois quarts de la scène, quoi. Ah merde! Ah ouais, putain, oui, mais c'était complet depuis longtemps. Fallait se réveiller plus tôt, là. Et puis, ils sont venus, sont pas venus les mains vides en plus. Hein. Toff est content. Hein. Oh là là, oui, ils nous ont ramené des produits du Berry Saveur Retrouvé. Ah! Et oui, donc, c'est offert par un pâté berrichon. Offert par. Non, pas plaisir. Par la charcuterie Issol-Dunoise. Issol-Dunoise, très bien. Soudain. Et bien, Issol-Dunoise. Gros sera ravi puisqu'il y a la bouteille de champagne qui est là également. Ah, ça fait plaisir. Ah bah oui. Du vrai champagne. En plus. Du club de foot, c'est ça? Ouais, c'est la Berrichonne. La Berrichonne de Châteauroux. Très bien. Ah bah, on va en prendre une petite coupe. Ah bah tiens, une petite coupette. Hein, ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Bon, très bien. Allez, bougez pas. On va. Ah, il y a une proposition là qui avait été faite. Merde, pour le prénom. Je vais la retrouver. On fait ça dans quelques minutes, juste après le son de Global DJs et Kids. Et on fait les premiers appels avec Tof dans quelques minutes sur Fun Radio. C'était Global DJs à l'instant sur Fun Radio avec Kids. Bienvenue si vous arrivez là, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun là tous les soirs entre 23h et 2h du mat. Et puis le dimanche à 20h minuit évidemment avec la PlayStation 4. C'est une vraie, hein, vous inquiétez pas. C'est la PlayStation 4 qui est à gagner avec la colle de Stacy. Plus on tire dessus et plus je deviens court. Que suis-je? Attention, ça peut tuer également. Donc je répète, plus on tire dessus et plus je deviens court. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez maintenant M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63-22 pour la Belgique. Plus on tire dessus, pardon, et plus je deviens court. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, la PS4 est pour vous, c'est la deuxième. On en a offert une déjà hier. Donc maniez-vous, hein. Et on vous demandait aussi quand est-ce que vous aviez fait l'amour pour la dernière fois et où, puisqu'on est tombé sur une info dramatique. Un couple sur 7 ne fait plus l'amour. C'est une étude anglaise qui le dit, a priori. C'est triste. Ben ouais, y a le russe qui dit, je donne pas son nom parce qu'il est écrit en russe, donc c'est compliqué. Mais bref, je l'appelle le russe, qui dit, moi, la dernière fois que j'ai fait l'amour, c'était samedi soir dans les toilettes d'une boîte de nuit. Bah écoute, pourquoi pas. Y a Megumi qui dit, il me fait peur le François là avec ses fantasmes. Bon, on va le prendre dans quelques minutes, Megumi, t'inquiète. Fabienne qui dit, Jean-François, il a une voix de pervers, ça colle au sujet. Clem qui dit, encore un gros cochon. Alors, on proposait pour les prénoms aussi de Sandro, là, alors, je note. Pour les chiots. On proposait Islande, c'est de Phil 4444. Angelina qui t'offre ce balai à chiottes porte en plus de l'odeur la poisse à de pauvres gens. Il y a Asio qui dit sinon tu peux l'appeler Ilou ou Ibou. Sinon il y a aussi Isha, on proposait Yaka, Inaya, Hibiscus. Pas trop vite. Ah, enfin y est, j'ai trouvé. Quoi? Envoyez plus, oh là, c'est bon, j'ai trouvé. Valentin, merci, c'est au top. Ah bah c'est Valentin, c'est normal. Qu'est-ce que tu vas me sortir, ouais. Il est moche. C'est parfait ça, le chien, il est moche. C'est drôle, c'est très drôle. Ah bah parfait, Valentin, je pense qu'on n'est pas à l'abri de garder celui-là. Et alors Alexou qui dit pour le chien de Sandro, Ichlibedich. C'est bien ça aussi. Ichlibedich, ouais, mais c'est long à dire, c'est ça. Oh, mais c'est pas grave. Indianas pour la chienne de Sandro, Isis pour le chien. C'est Théo qui proposait, Alexis qui dit moi j'ai Divine pour le chien de Sandro. Non mais il faut appeler par un I parce que c'est l'année des I. Et alors le bœuf ferré qui dit Idi Windra, la chaîne de Sandro, on pourrait l'appeler Ikea, comme ça elle pourra se faire démonter par les chiens. Oh. C'est Eric et Julien également, allez à Skinkin qui dit prénom avec un I, Isaline, Irène, Winness et Adeline qui dit aussi Iloa. Moi je reste sur il est moche, hein. Mais non, c'est trop long, je trouve ça super drôle. Il est moche, moi je trouve ça énorme. En plus, une femelle. Et alors? Il est moche, viens ici. Bah, c'est rien. Tu me vois en forêt crier, il est moche. Genre, tu vas aller en forêt, arrête ton cinéma. Non, mais le pire, c'est que toi, risque de se retourner en l'appelant comme ça. Ah, mais en plus, oui. Il est moche? Oui. Et est-ce que je peux changer de passe? Parce que cette espèce de gros porc, il bouffe son pâté depuis tout à l'heure, là, c'est horrible. C'est une horreur. Il y a pas d'autre place pour ramener ça, c'est vachement bon. C'est vrai, c'est vrai. Bah, merci en tout cas à vous. Et on va faire les appels maintenant. On recherche encore un prénom pour le chiot de Sandro. Donc, allez-y sur le Twitter, hashtag et Mickaël. Sur Facebook également, vous pouvez faire les propositions. J'ai mis la photo hein, sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc allez voir et proposez ce que vous voulez. Et puis on va essayer d'appeler le marabout aussi avec Gauthier dans quelques instants. Là, il est malchanceux, sa maison a cramé, il est DJ, sa table de mixage qui a pété en plein show. Il est malade, il a eu des maladies, enfin bref, une vraie tanasse. Et donc on va appeler des gens maintenant avant d'appeler le marabout pour savoir si les gens font l'amour. Hein. Parce que cette étude anglaise là qui disait que les couples ne faisaient. Un couple sur 7 ne faisait plus l'amour. C'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique. Donc on appelle des gens, n'hésitez pas à proposer des numéros de téléphone de personnes encore debout à cette heure-ci ou qui seront encore debout avant 2h du mat sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Prêt Tof? Bien sûr, allons-y. Allez, c'est parti, on y va, appelons maintenant le premier ou la première. L'heureux élu. Ça ne décroche pas, c'est dommage. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois. Va te faire enculer, gros bâtard. Enfin, madame. Paix, amour et amitié, bien entendu. Enfin, je pense que nous étions encore une fois dans le que Nord. C'est sympathie. Hein. Nous étions dans le Nord. Oui, je pense. J'adore. On va donc rappeler cette charmante dame. Gros bâtard. On va rappeler cette charmante dame. Ah oui. Ouais, et je rappelle qu'on sera d'ailleurs aussi comme... Allô? Oui, excusez-moi, mais je pense pas que c'était l'objet de ma question. Ben ouais, mais moi je t'emmerde, t'as pas besoin de savoir tout ça. Bah si, c'est pour t'es ça. T'es qui déjà pour me poser la question là? Moi je m'appelle Tof, madame. Ben c'est bien, tant mieux pour toi. Ben oui, mais je vois pas le rapport avec la question, madame. Ben justement, ben t'as pas à me poser la question là, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ben c'est... On te connaît, non? Bon ben alors t'as pas à me poser des questions comme ça. Ben si, c'est pour savoir si vous avez fait l'amour récemment. Ben ça te regarde pas. Ben je suis si. Désolé. Ben si, c'est pour ça que je vous appelle. Ben non, ben ça te regarde pas, si t'as envie de t'exciter, il y a des films de cul, il y a des films de cul, et ben tu t'excites là-dessus, mais tu m'emmerdes pas. Oui, mais d'accord, parce que moi sinon je téléphone au fric maintenant, et je dis qu'il faut une recherche sur ton numéro.

Voilà. Je suis prêt. Et je vous rappelle. Du pâté depuis tout à l'heure, ça va être parfait. Ça va être énorme. Et puis je vous rappelle également que vous pouvez m'ajouter hein, sur le Twitter. Si vous m'ajoutez sur Instagram et sur Twitter, je vous ajouterai également. Donc je vous suivrai. Si vous me suivez, vous tapez M-I-K-L underscore. C'est le petit tiré en bas. M-I-K-L underscore officiel pour me suivre sur Twitter. Je vous suivrai également avec grand plaisir. On est quasiment 20 000 sur le Twitter. Donc merci beaucoup d'être aussi nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs. On va également vous filer la PlayStation 4 pour la gagner. Rancard également sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Il faut répondre à la colle de Stacy. C'est une petite question. Et si vous êtes tiré au sort, et ben vous repartez tout simplement avec votre PlayStation 4. Allez-y. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Il est 23h47. C'est la nuit sans pub. C'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h avec Ellie Goulding. We don't have to worry about nothing. C'est Fun Radio et les Goulding. À l'instant, Burn sur Fun Radio. Pitoyable mais pas digne de pitié. Exactement, voilà, c'est un petit peu le slogan de cette émission. Il est 23h51, il n'y a plus de pub maintenant, on est à la cool sur Fun Radio. Il y a le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer dans quelques minutes. Et nous étions d'ailleurs en direct avec le nord de la France il y a quelques instants hein, qui était très charmant d'ailleurs dans le premier appel de Toff. C'est dès le début comme ça, tu sens directement que tu fais un truc bien truc positif, je sais pas, bien. J'espère quoi. Qu'on n'aura pas de problème avec la police. Eh ben j'espère, parce qu'elle avait appelé les flics quand même en direct, hein, quand même. Bon, il y a Adeline qui dit idylle, ça te plaît pour le chien ou pas, Sandro? Idylle. Ah, idylle, c'est mignon. Idylle, moi je reste sur il est con, hein. Moi je trouve ça bien, Valentin, merci ouais. d'avoir trouvé. En plus, rappelle idylle que... dans son quartier, c'est pas mal, ça va ah, ouais, bien ouais, passer. Ouais. Et je rappelle donc que Sandro a un chiot depuis hier et qu'il n'a pas encore de nom. C'est une chienne donc, et c'est l'année du I, donc faut trouver un prénom par I. Il y a Valo qui dit salut Mickaël et l'équipe. Je suis bien malade, mais je résiste à la fatigue pour vous écouter. Pour la chaîne de Sandro, je propose India ou Ivory. Pas mal, Ivory. Il y a Léa qui dit je vous écoute à chaque fois que je peux. Vous me faites rire sans limite. Vous êtes vraiment excellent. Continuez comme ça. Ben, merci Léa. Et Adeline qui dit idylle, ça te plaît pour le petit chien. Ben ouais, c'est pas mal, Adeline. Idylle. Ouais, c'est pas mal. Et Laura qui dit aussi coucou l'équipe. J'ai eu mon permis avec 26 sur 30. Une félicitation s'impose. J'avais lu une fellation. Une félicitation s'impose où je mange un coup de pelle à la place. Non, mais on va te mettre une petite félicitation, t'inquiète pas. Bah, va te faire enculer déjà. Bah, voilà déjà. Il est énorme, lui. Adeline qui dit mort de rire. Celle 23 qui dit la meuf, elle est énorme. Sarah également qui dit mort de rire, la femme. Bah, ouais, elle était énorme. Mister Flo aussi qui dit pareil. Il y a Alexia qui dit j'ai un pote, elle a appelé son chat Kékette. À la base, c'était un délire, mais le chat a eu l'habitude, alors elle l'a appelé comme ça. Ah, bah oui, Kékette, allez, viens ici, pourquoi pas. C'est mignon. Bah, oui, Nicolas qui dit Châteauroux en puissance. Bah, oui, voilà, oh, justement. Comment on l'appelle les habitants de Châteauroux alors? Castel Roussin, d'accord, ok. Et l'auditrice qui est avec nous, qui s'appelle comment, qui est arrivée aussi retardataire? Marjorie. Ah, Marjorie, t'as viado Marjorie toi? Grenoble. De Grave. Ah, bah, ouais, c'était le temps de courir de la montagne. Ah ouais, loin Grenoble. Loin Grenoble. Hein. Non, mais c'est bien. Loin, ah, quand même, ça fait un bout de chemin là. 3 heures de TGV. Ouais, bah c'est ça. T'es venu pour nous seulement? Non, je sais pas, je demande. Ouais, alors que bon, Jeanne et Charlie sont venus pour nous, mais enfin ils nous ont fumé un peu parce qu'ils ont le t-shirt Starflore, donc pas me foutre de menteur, hein. Pas me foutre de ma gueule. Hein. Pas se foutre de ma gueule. Qu'est-ce que c'est là? Ah, ouais, Vive Fun Radio. Non, c'est bon ça. Pas mal. Bon, en tout cas, vous êtes les bienvenus hein, si vous voulez passer nous voir. Et on passera vous voir d'ailleurs aussi à Montpellier. Ce sera le week-end du 6-7-8 décembre. On fera l'émission en direct de là-bas, du show de Fun Radio à Montpellier, hein, sur la place de la Comédie. C'est ça? Oui, c'est ça. La place de la Comédie. Voilà, si vous voulez passer nous voir, vous serez les bienvenus. On aura l'occasion évidemment de se voir là-bas sans problème. Il y a Teddy qui dit le chien pourrait s'appeler Hilary, c'est pas mal. Fabienne qui dit ça va les gars, on s'embête pas, santé. Bah non, on s'embête pas trop là. Bah les auditeurs ont ramené une bouteille de champagne, donc on va profiter. Pas cracher dessus, hein. Bah je te confirme. Je te confirme. Logan qui dit pour le chien de Sandro, il y a Ixina. Ah bah oui, comme les cuisines. Ayam, Idilis, Idé, Iena, Intox, Irma, Iode. Pas mal. Iode. Pas mal. Bonsoir à tous, toujours aussi super vos émissions, un vrai bonheur. Et Moms qui dit appelez-le, il pue ou il pue du cul. Ah oh, oui. Il pue du cul, viens ici. En ce moment, oui, en plus, il a la diarrhée, le pauvre. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Et Inès, très glamour. Il était une fois pour le nom de la chaîne de Sandro, c'est pas mal ça aussi, Inès. Là. Bon, bah bonne idée en tout cas. Continuez à envoyer vos messages. Hashtag Mickaël sur le Twitter, pareil sur le Facebook. J'ai mis la photo du chien de Sandro et donc on cherche un prénom en commençant par I, puisque c'est l'année du I. T'as toujours pas d'idée, Gauthier, toi, non hein? Là non, franchement non. Non là non, bon et bah ça pourrait peut-être lui porter la poisse. Moi j'aimais bien Ibra. Ibra, ouais, pourquoi pas, c'est vrai. Non, c'est pas. Sinon il y avait IKL aussi qu'on avait proposé qui était pas mal. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Direction sinon. Ouais, il sent mauvais. Direction. Irection. Ah, pas mal, irection, ouais, c'est vrai, c'est bien cherché. Bon, ouais, il sent mauvais, il est con, on l'avait déjà proposé, il pue du cul, il est bête, bref, il y en a plein. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter, il n'y a pas de problème. Bon, et puis, on lira tout ça dans quelques minutes. Bon, Gauthier. Oui. Bon, toi, t'es poisseux, toi, c'est ça, hein? Ben ouais, ouais. Tu nous avais appelé parce que ta maison a cramé, parce que t'étais DJ, enfin, je dis t'étais parce que t'as plus de table de mix, et t'as la table de mixage qui crame en plein milieu de la soirée. Ouais. Voilà, donc plus, je parle pas des maladies que t'as eues, que t'as enchaînées, hein, qui étaient assez violentes quand même. Et donc, Gauthier, bah, ce que je te propose, c'est qu'on appelle le marabout pour voir si on peut te sortir de là, hein. Ben ouais, pourquoi pas, ouais. Bon, tu parles ou je parle? Ben, je vais parler, hein. Ouais. Bon, je vais parler, je vais dire que t'es un pote, que t'es à côté de moi, et au pire, je te le passerai. Voilà. Okay. Bon, attends une seconde, on va l'appeler en direct. J'espère qu'il va décrocher à ce soir-ci parce qu'il est tard. Hein. Bon, on verra. Il y a le chéri cocu aussi. Chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Et puis on parlera des teubés de la télé également. On aura Jérémy qui veut larguer son copain. Très bien. Messagerie Sinacom mobile, bonjour. Oh merde, zut. Le marabout est sur répondeur, Gauthier. La poisse. Oh, il y a qu'une poisse. C'est-à-dire que même pour appeler quelqu'un, pour le désenvoûter, il a la poisse. Ouais, même là, t'as la poisse, Gauthier. Bon, si vous êtes marabout, si vous connaissez un marabout qui est encore ouvert à cette heure-ci. Un bon, hein. Ouais, un bon, s'il est encore ouvert à cette heure-ci, là, n'hésitez pas. Donnez le numéro de téléphone, là. Vous appelez le standard, là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, alors, Gauthier, reste avec nous. Si vous avez déjà été poisseux, n'hésitez pas à venir nous en parler aussi, hein, pour rassurer un peu Gauthier. T'as déjà été poisseux, toi, Apollo? Ouais, bah oui, je me suis ouvert la tête, le bras. Ah oui, c'est vrai, ouais, hein, son histoire de Et j'ai pitou, et puis mes bagages que j'ai perdus. C'est pas poisseux la tête, c'est parce que t'es idiot. L'autre il va faire un paintball et il se prend je sais pas ce que c'est. Bah, ça une branche ou un morceau de bois dans la tête. Une branche et combien? 8 points de suture? 10 points de suture. 10 agrafes. 10 agrafes, pire voilà, que le point c'est de suture. Ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Toff, la poisse, quoi? Bah, j'ai ma tête déjà, qu'il faut que je supporte. Ouais, pas mal, effectivement. Attends, on va la refaire un petit coup. Voilà. Voilà. Ah, mieux, là. Sinon, je sais pas, j'ai des périodes où j'enchaîne les loups, tu vois, des trucs à la con, mais tu sais, c'est tous les uns derrière les autres, donc à la fin, c'est saoulant, quoi. D'accord, ouais, ok, d'accord, ouais. Mais pas d'autres. Non, sinon, des vraies grosses loups, non. Ma maison n'a pas brûlé, j'ai pas fait d'AVC. Non, en même temps, t'as pas de maison, donc c'est normal. Ouais, mais ça m'évite. Si, t'as eu un truc là au cœur. Ah, si, ouais, j'ai eu un pneumothorax, ouais, c'est pas mais c'est au cœur. Il a failli mourir. Oui, il a failli décéder d'ailleurs. Est-ce qu'on a ri ce jour-là? Ouais, il a failli décéder. Il a dû avoir un tuyau dans le poumon. Enfin bref, l'histoire. Attends, maladie que des grands sportifs et des fumeurs. Ouais, il est ni grand sportif ni fumeur. Donc voilà. Il y a Dame, c'est qu'il y a appelé la chaîne Indochine. Il y a Megumi qui dit il goûte même pas le minou. Alors celui d'un mec, lol, Starfloor a changé polo. Oh, arrêtez avec ça. Et Adeline qui dit je vous attends sur le port, moi, avec champagne également. Ah cool, Adeline, on va venir alors. Alexandre aussi qui dit Ingrid ou Iband. Ah ouais, Iband le chien. Non, c'est une femelle. Merde. Ouais, non, ça va pas, Alexandre. Il fait bander. Ouais, il fait bander, ouais. Et Dylan qui dit illicite pour le nom du chien. C'est pas mal ça, illicite. Ouais. C'est bien aussi. Bon, attends, il y a aussi Jean-François qui nous avait appelé là. Allô, JF, t'es là? Ouais, je suis là. En attendant de prendre d'autres auditeurs qui seront peut-être poisseux comme Gauthier. Bon, Jean-François, tu voulais parler de fantasmes, toi, c'est ça? Tu sais pourquoi les gens, quand ils vont à l'église, ils se poussent les oreilles? Ouh, toi, JF, t'es pas tout clean là. Hein. Ouais. Souffle dans le micro. Souffle un peu dans le micro là. Hein? Souffle dans le micro. Bah, tu m'entends là? Oui, mais souffle dans le micro. Allez, souffle dans le micro. Ouais. Attends, je te mets un peu de souffle là. Si, je te mets un peu de menthol. Voilà, c'est mieux là. Oui, c'est mieux, ouais. Bon, JF. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais parler de fantasmes? Ouais, mais fantasmes. C'est-à-dire que mon problème, je sais pas si c'est un problème de perversité quand je vois une femme en mini-jupe avec des bas noirs, je peux pas m'empêcher de la regarder. Uniquement quand tu vois une fille en mini-jupe avec des bas noirs, c'est ça? Voilà. Ouais. Avec Polo, on a le même problème, hein, t'inquiète. Hein. Oui. D'ailleurs, ils sont en fantasme sur Karima qui était aussi en. Oh, voilà, là, c'était au-delà du mini-jupe, hein, c'était le mini-short. Elle a un mini-jupe? Ah, elle était. Ouais. Pourquoi ça t'excite? Oh là là. Ah ouais, oh là là. Parce que tu sais que. Oh, j'ai de la chance d'être à côté d'elle. Bah ouais, mais là, elle est pas à côté. Mais par contre, si tu veux, Sandro, là, est en mini-jupe avec des balloirs aussi. Hein. Ouais, ras la flou. Oh là là, c'est. Bah, arrête de me faire languir. Bah ouais. Moi, je veux la voir, moi. Ah bah attends, mais là. Je veux voir. Et c'est quoi qu'est-ce que t'aimes bien d'autre en plus de ça? J'aime bien les femmes un peu maquillées. Parfait, comme Sandro, là, elle est un peu maquillée, mais pas trop. Pas trop. Et au niveau de la poitrine, plutôt gros ou petit? C'est vulgaire après, ça c'est vulgaire. Ouais, on est d'accord. Et au niveau de la poitrine, gros ou petit? Petit, moi. Petit, quelle taille, plus ou moins? A, B, C, D? B. B, bah comme Sandro, elle a aussi du B d'ailleurs. Elle est en mini jupe noire là, avec. Ah, elle est chaude. Hein. Ouais, mini jupe noire avec les petits collants noirs aussi là. Et franchement bien. Sinon, si tu veux, on a aussi une autre meuf dans l'équipe là, si tu veux. Hein. La reine des salopes. Ouais, exactement, ouais. C'est une des chiennes, les femmes. Hein. Attends, je te la passe. Oui. Attends, je te la passe justement. Passe-moi là. Elle s'appelle là. Vanessa. Allô, JF. Allô. Oui, c'est Vanessa. Elle est devant moi. Ouais, elle est en mini jupe. Oh, oui. Putain. Et j'ai oublié de mettre ma culotte ce matin. T'as pas mis de culotte? Non, j'ai oublié. Ah, je suis parti trop vite. Au dossier, en prévision là. Ah bah ouais. Et franchement, elle est bien. Elle est un petit peu. Elle est assise. Là, si tu veux, on voit tout là de là où je suis. Hein. Oui, mais ça reste entre nous. Oui, oui, elle bah, est un peu sûr. Ronde. Ça te dérange pas. Ça te dérange pas qu'elle soit ronde. Ouais. JF, elle est un peu en forme. T'aimes bien ou pas? Un petit peu, hein. Elle est un petit peu en forme. Elle est ronde. Elle est un petit peu, tu sais, elle a des formes, quoi. Oh, c'est pas grave. T'aimes bien ça, toi. C'est ça pour me dérange pas. D'accord. C'est pour que JF il puisse s'agripper. Non, mais oui, mais c'est normal, c'est normal. Même c'est mon normal. JF. Oui. Bah oui, t'aimes bien t'agripper, toi. Comment? C'est une pute. Mais non, c'est pas mais une pute. Mais non, JF, enfin. Mais non, c'est une standardiste. Mais non, enfin. elle travaille dans l'émission, mais c'est pas une pute, c'est Vanessa. Je suis une grosse cochonne, mais pas une pute. Oui, voilà, je me suis mal exprimé, une cochonne. Oui, ah oui, mais attention, ah oui. Exprime-toi bien, c'est pas la même chose, JF, ah bah attention. Non, parce que t'as failli me vexer quand même. Hein. Ah bah oui. Ouais, excusez-moi. Non mais c'est rien, t'inquiète, entre nous, y a pas de problème. Excusez-moi. Bon, du coup, qu'est-ce qui t'excite d'autre? Qu'est-ce que t'aimes bien chez une femme, hormis la mini-jupe et... Eh ben, moi, quand je vois... Bon, j'habite dans une cité, moi. Ouais. À 1,5 km de la ville. Ouais. Quelle ville? Et quand c'est à Annonay. Parfait, très bien. Et quand je vois une femme... Ah, on est sous bois. Je suis obligé de la suivre. T'es obligé de la suivre. Dans la rue. Oh non. Ça se attends, pas. Mais t'es pas un pervers non, quand même, JF. Non, mais je suis pas un pervers. Bah non, pas du tout. Mais j'essaie de la draguer. Alors, comment tu fais pour la draguer? Alors, imagine que Vanessa, justement, elle est là, elle se balade dans la rue, elle est en mini-jupe noire, collant noir, elle se balade. Pour première chose, je lui demanderais du feu. Du feu. Bon, bah alors... Tu veux que je t'allume, JF, c'est ça? Attends. Je demanderai du feu parce que je suis fumeur. Voilà, bah là je vais allumer la clope, là c'est bon. Moi aussi. Petit avis au passage pour la PlayStation 4. Hop, oui. Moi aussi je suis fumeur, JF. Ouais, j'ai allumé. T'es fumeuse toi aussi? Oui, pardon, oui. Fumeuse, sale. Oui, je suis fumeuse. Je fume des gros cigares, si tu vois ce que je veux dire. Oui, elle fume les cigares, mais tout modèle. Hein, ça te dirait que je tire sur ton cigare? Sur la radio? Oui, bah oui, c'est je ça. Je vous écoute que vous, je vous écoute. Mais tant mieux. Bah bon, on a de la chance, JF, merci beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, cette radio, elle n'existe pas. Eh, bah t'as raison, d'ailleurs, il n'y a aucune autre qui existe. Il n'y a aucune autre. La radio, c'est la meilleure. Vous nous remontez le moral, c'est incroyable. C'est vrai, bah c'est gentil, JF. On est là pour ça en même temps. Hein. Eh, JF, tu connais oui. Jean-Pierre Sauzère? Pardon? Tu connais Jean-Pierre Sauzère? Ça me dit rien, non? Ça te dit rien? Bah attends, c'est lui. Je suis Jean-Pierre. Au pays des merveilles. C'est un tube, l'année prochaine ça va être un carton. Tu connais ou pas, non? Jean-Pierre. Non, je connais pas. Ah, attends, t'aimes bien là? Moi, ce que j'aime bien, c'est le rap. Ah, t'aimes bien le rap? Ah, bah, t'écoutes qui en rap? J'aime bien. Serge Lama. Dalida. Ouais, ouais, bon. Ouais, bah, ouais, ça c'est du ouais, rap, mais c'est bien. Ouais. Et Pierre Perret, c'est du rap hardcore. Ouais, hein, et est-ce que ce rap là t'aimes bien? Ah, yo. Hein? C'est moi qui est une femme. De quoi? Mets-moi le truc que les femmes jouent. Eh, hey, il y a des téléphones roses, sinon tu sais Jean-François. Tiens. On va garder ton numéro dans Sadik. Oh là là. C'est Vanessa? Oui, c'est moi, j'ai. C'est toi? Oui. Oui, c'est Vanessa qui jouait en même temps que toi, là. C'était dans les toilettes. Elle pense à toi, là. Je me caresse. Mignon, hein. C'est mignon, hein. Oh, oui. Pour personne, pour 49 ans. Hein. Mais je l'ai entendu dans ta voix. Oh, JF. Oh, JF. Oh là là, JF. Oh, JF. Vas-y, quand tu es simple. Fouette-le. Voilà. Tu vas te fouetter. Alors? Ah, super. Super. Bon, JF. Ça fait du bien, mon JF. Super. JF. Ouais. Tu restes un peu avec nous, là? Hein? Tu restes un peu avec nous? Ouais. Parce que je pense qu'il y a des auditrices qui veulent te rencontrer, elles sont tombées sous le charme. C'est vrai? Ouais. Donc, reste avec nous, JF. Mais oui, tu es tellement excitant, JF. On va te présenter quelqu'un dans quelques minutes. JF, reste là, d'accord? Ouais. Bon, bah, bouge pas. Bon, les filles, si vous voulez rencontrer JF, il est là, disponible, il est available. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Il y a le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Il y a Teddy qui dit le rap égale Dalida, je suis plié. Il y a Steve qui dit il mouille le nom de la chienne. Ou alors Itinéris ou Hibiscus. Christine qui dit aussi mort de rire, JF, il a abusé de la bouteille. Emery qui dit énorme JF et ses fantasmes. Warren également qui dit il est peut-être bourré JF, mais il dit vrai par rapport à Mickaël No Limites qui nous remonte le moral. Oui, comme quoi. Et Angelina qui dit il connaît pas Jean-Pierre Sauzère. Quelle honte, comme la tête de Toff, la honte. Il y a Robin aussi qui dit ah JF il est raide mort, il a abusé. C'est quoi ce mec, il est tellement flagué, c'est Quentin. Et Christopher qui dit JF, le frère de Gilou. Oui, on n'est pas la brite, hein. Il manquerait plus qu'on lit les deux en même temps, là on est au top. Et Pascal qui dit après l'épisode Gilou, voici celui de JF à suivre. Bon, et on va vous reprendre dans quelques minutes, hein. Restez avec nous. On va se faire également la colle dans quelques minutes avec Stacy. Plus on tire dessus et plus je deviens court. Que suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Vous pouvez aussi répondre sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Venez nous rejoindre. Et puis on s'écoute le son de Fédé Legrand maintenant sur Fun Radio avec No Good. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est MIKL No Limites. Il est minuit 6, c'est la nuit sans pub sur Fun Radio. Il y a les teubés de la télé qui vont débarquer dans quelques minutes. Et puis le chéri, je peux te faire cocu, bien entendu. On va piéger le copain, la copine, comme d'habitude, comme chaque lundi. Ça risque d'être encore du très très lourd avec Michel notamment. Hey oh Fédé Legrand à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, si vous venez de débarquer, c'est MIKL No Limites. Il est minuit 10. On va se faire les teubés de la télé. Il y a le chéri, je peux te faire cocu juste après. Et puis il y a Mélissa également là. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Comment ça va? Très bien et toi? Bon, bah, très bien Mélissa. Toi tu voulais rencontrer JF? En quelque sorte. Ah très bien, alors ne bouge pas de là Mélissa, je te présente JF dans quelques minutes. T'as vu Jean-François? Ah mais c'est merveilleux. Ah, mais c'est merveilleux, mais oui t'as vu c'est merveilleux. Ne bouge pas de là Jean-François, on va te reprendre après. Jérémy également qui est là, qui voulait larguer son copain, donc on va en parler avec lui. Il y a Didier qui voulait réagir aussi à Jean-François par rapport aux fantasmes. D'ailleurs appelez-nous hein, pour nous dire quels sont vos fantasmes. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et nous allons faire le top maintenant, les teubés de la télé, hein, puisque c'est dans le petit jour. Qui on a eu un maire qui nous expliquait ses engagements politiques. Quand on croit à ce qu'on dit, vous allez voir, on fait ce qu'on dit. Ouais. Quand on croit à ce qu'on fait, quand on dit ce qu'on fait et quand on constate ce qu'on a fait et que c'est conforme à ce qu'on a dit, là on peut circuler dans la tête haute, comme on dit. Voilà, c'est important. Ouais, c'est très important, mais on n'a rien compris. Bon, et dans la nouvelle star, on apprend comment bien chanter et ce n'est pas par la bouche. Chantons. Merde, pardon, monsieur Gouret, hop là, il est celui-là. Tout le corps vibre, et notamment, on chante avec notre sexe. Mais ah ça, oui. Vous le savez déjà, je bah pense oui. Que je ne suis pas la première à vous dire. Tout évidemment, on chante avec le bas du ventre. Et plus on chante avec le sexe, plus c'est bon. Mais oui, plus c'est bon, il faut chanter avec le sexe, c'est bien connu. Et puis dans les apprentis cascadeurs, ils ont un message pour Toff, comme d'habitude. J'espère que cette expérience va t'apprendre, tu sais quoi, à fermer ta gueule, tu sais quoi, à rester tranquille. Concentré, retiens ce jour-là, retiens ce truc-là jusqu'à la fin de tes jours. Ok ? Donc on dit au revoir à son pote. Hein. Eh ben voilà, c'est ça, apprends à fermer ta gueule. Voilà, en toute simplicité. Mais ils ont raison, hein ? Oui, je vais apprendre. Ah mais bien ouais. Sûr qu'ils ont raison. Bon, allez, on va en récupérer JF dans quelques minutes avant de donner la réponse pour la PlayStation 4. Je vous rappelle qu'elle est à gagner. Si vous avez la bonne réponse à la colle de Stacy, donc plus on tire dessus et plus je deviens court. Qui suis-je? Vous envoyez MIKL et la réponse au 64-900 ou au 63-22 par SMS pour la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, réagir sur le Facebook. Enfin, réagir, lire la colle et donner votre réponse sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Et puis, on va accueillir Lolita qui est avec nous maintenant pour le chéri, je peux te faire cocu là. Comment ça va Lolita? Bien et toi? Bon écoute, tranquillement, tranquillement, l'équipe va bien. Ouais. Toff est en train de draguer sur Facebook comme d'habitude. voilà quoi. Bref, une soirée routine. Voilà, c'est exactement. Bon alors Lolita, tu veux faire le chéri, je peux te faire cocu et tu as bien fait. Comment s'appelle ton mec que nous allons piéger dans quelques minutes? Loïc. Très bien, t'as vécu depuis combien de temps?

Bah j'en faisais avant de la rencontrer, mais le problème c'est que là j'ai plus trop le temps. Bah oui, oui, bah fais plus de sport en chambre, sinon je m'en charge, hein, si tu veux. Ouais, non, là-dessus, enfin, je pense pas qu'elle a flamme, peut-être que si, remarque. Ah, je sais pas, nous, elle nous a dit qu'elle hésitait quand même à l'emménagement, parce que entre les poils et le bide, après 4 ouais, mois, je lui ai dit, écoute, après 4 ans, qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois. Non, mais le bide, je l'avais déjà en la connaissant, et je me rasais déjà avant, donc là, je continue, peut-être le bide, j'ai repris un lancé. Peu de poids, puis... Ah, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. T'as repris un peu de poids, très bien, bah, on y est d'accord. Bon, bah Loïc, en tout cas merci. Lolita, pareil, je vous fais des gros bisous. Vous restez au standard, on va vous filer l'écran comme promis, d'accord. Et vous savez quoi? Allez vous faire enculer. Bon, bah, parfait. Ça va, ça va, je me vengerai, je me vengerai. Ouais, bah venge-toi, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est quoi, ma chérie, tu vas voir aussi. Toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, et, non, mais... Ta gueule, connard. Mais ta gueule, connard. Dis donc, okay, fais pas le malin. Et moi, t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. J'ai l'artillerie lourde, moi, hein, t'inquiète pas, ouais. Pas de problème. C'est quoi ton problème? Michael, fais-moi plaisir ce soir, passe-nous Linkin Park avec Steve Aoki, ça fera un moment que tu l'as pas passé. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement. On appelle ça un orgasme auditif. Bah oui, je vais le remettre, effectivement, ça faisait longtemps que je l'ai pas mis, tiens, pas de problème. Un orgasme auditif, merci bien. D'accord, pas de problème. Bon, bah salut à vous deux, hein. Et ben, un bisou. Ciao. Pour retourner travailler, c'est bon? Ouais, ouais, t'inquiète, tu peux y aller. Ouais. Ciao Loïc, bye bye. Salut. Et il y a un message d'Adeline aussi qui dit: tu te rends compte de la chance que t'as, ça t'a grillé. Bah oui, ça arrive. Il y a Teddy qui dit: mort de rire, Chewbacca, j'en peux plus, c'est la forêt vierge. Fabienne qui dit en mode macho comme on l'aime: tu repasses mes fringues, lol. Ouais, ça a dit, pourquoi pas, hein. Noémie aussi, j'adore quand tu cries derrière. Et Kevin qui dit: mort de rire, Lolita qui elle est bonne. Et le mec il fait délirer, la pété de rire. Et Stéphane qui dit: trop fort, eh ben Stel chérie, je peux te faire cocu. On le refera évidemment la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous aussi faire le chéri, je peux te faire cocu, gagner vos montres. On a des montres Sony à vous offrir, hein, les Smartwatch 2. C'est à gagner donc toute la semaine sur Fun Radio. Il est minuit 25, on est toujours en direct avec Jean-François dans quelques minutes, avec Mélissa également, qui voulait draguer Jean-François, hein, c'est notre ami pervers. On se fait ça après Lady Gaga, c'est Do What You Want sur Fun Radio. Lady Gaga sur Fun avec Do What You Want. Et il y a plein de messages qui arrivent, notamment Caroline là, j'ai mis son tweet en favori, parce qu'il me faisait des bisous. Du coup il y a Morgane qui a râlé, donc je l'ai mis aussi en favori, comme ça c'est fait. Il y a pas de jaloux, pas la peine de gueuler, pas la peine de s'énerver, pas la peine de se battre. On vous aime tous, même si c'est bien de voir des filles se battre pour moi. La prochaine fois j'amènerai de la boue. Voilà, ce sera bien. Il y a Steve qui dit: mort de rire, il est chaud avant même la question fatidique. Il y a Stéphanie qui dit: ils sont ensemble depuis 4 mois, ils emménagent ensemble dans 2 mois. Waouh, c'est rapide quand même pour le chéri, je peux te faire cocu. Ah oui, c'est sûr. Et Amira également qui dit: bisous à toute équipe de Fun, vous êtes super, changez rien. Et Angelina qui dit: il connaît pas Jean-Pierre Sauzer, quelle honte. Eh oui, Flavien pour la chienne de Sandro: il a des couilles, c'est bizarre. Ah oui, c'est pas mal ça. Il a des couilles, c'est bizarre, hein. À faire. Comme ouais. Sandro. Ouais. Il a des couilles, c'est bizarre. Mais je vais pas l'appeler comme ça. Bah, bah si, attends, pas. C'est super bien. C'est il a des couilles, c'est bizarre. C'est bizarre, viens ici, hein. Bah oui, attends, super. Ah oui, il a des couilles, c'est bizarre, viens ici. Bah oui, t'as vu. Allez hop, bien, je vais vérifier. Aline aussi qui dit: bonsoir toute l'équipe, super votre émission, continue comme ça, vous faites un super métier, donnez le sourire aux gens. Bah c'est gentil tant qu'on y arrive, c'est le principal. Et Denis aussi, il a fumé la lumière rose du marchand de sex shop. Par rapport à JF évidemment. Jean-François. Oui. Bon, il est de retour, JF, tant mieux, parfait. Alors, JF donc qui nous avait appelé parce qu'il avait des fantasmes, c'est ça, hein? D'énormes fantasmes. Et tu aimes les filles avec une jupe noire à peu près, qui font 1m65, 55 kilos. Parce qu'en plus, c'est dans le détail de la taille, toi. Toi t'es pas, hein, t'es chié comme mec, hein, non? Admettons que tu fasses 1m66, tu prends pas, toi. Ouais, 1m66, tu prends pas. Si, je prends quand même. Ah, 1m66, tu prends quand même. Donc 65 ou 66, mais pas trop, quoi, c'est ça? Pas trop, ouais. Bon, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, il y a Mélissa qui va débarquer dans quelques minutes. JF, donc ne bouge pas de là. On aura Jérém, on aura Gauthier, on aura la colle avec Stacy également. Et puis, on va saluer, un ancien. Oh, qu'il est beau. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps, en plus, avec notre ami Jean-Pierre, Max, qui est avec nous. Comment ça va, là? Ah, bah, ça fait du bien d'être là. Bah oui. Tiens, c'est marrant, t'as la voix de... T'imites un mec sur notre radio, non? Ah ouais, tu veux... Non, tu veux me parler d'un certain Guigui? Non, mais parce que j'avais l'impression quand même qu'il y avait une certaine ressemblance, c'est pour ça. Je copie. Ah ben voilà. Je copie, c'est voilà. Franchement, c'est mal. Moi, ce serait plus ressembler. C'est mal, ouais, c'est franchement, ouais. Mais t'inquiète pas, t'y arriveras. Quel plaisir d'être là. Quand tu seras vieux, t'y arriveras. Ah, mais un jour, j'y arriverai. Mais oui, un jour, j'ai confiance en toi. Bien sûr. Bon, l'enculé, pour les... Ouais. Pour les plus anciennes fun, c'est donc Max le Star System qui est à merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, c'est bien des couilles. Bienvenue. Non mais franchement, vraiment Mickaël, je l'ai dit tout à l'heure sur l'autre radio, t'as des couilles. Mais t'es le seul à le faire. Moi je l'avais fait à l'époque ici, tu m'avais invité. C'est vrai. Et je vais le redire aux auditeurs de Fun Radio, le jour où je suis parti d'ici, mais en très bon terme. Oui. D'ailleurs. Que tu m'as été voilà, tu m'as invité, t'as été le premier à m'inviter sur l'autre radio. Exactement. Où t'étais avant. Là où il y a ton copieur. Où il y a mon copieur. Là où tu te fais copier, pardon. Exactement. Et pour t'accueillir d'ailleurs, j'ai même la nouvelle chanson de Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre, voilà. Au pays des merveilles. Du vent. Le chapeau est fou. Je veux rentrer les orteils. Je suis Jean-Pierre. J'ai fait une énorme erreur, c'est d'avoir dit oui à le faire venir sur l'antenne, parce qu'il va plus vous lâcher les baskets. Je suis persuadé que s'il a ton numéro de téléphone, il doit t'appeler à peu près 70 fois par jour. Mais il a le numéro du bureau. Il a le numéro du bureau, il appelle tout le temps. Jean-Pierre. Oui. Oh merde. Comment ça va, JP? Putain, Max. Tu bouffes à tous les râteliers, toi, espèce d'enflure. Hein. Oui. Il est un producteur maintenant. Là. Quel bel enfoiré. Il est un producteur. Mais je sais, ça fait 20 ans qu'il cherche un producteur. Non, mais là, il en a un. Il en a trouvé un, Jean-Pierre. Il veut mettre dans les bacs l'année prochaine. Ah, il veut te mettre dans les bacs. Dans les bacs, mais c'est ça le problème. C'est ça. Il veut te mettre dans le bac ou dans les bacs? Dans les bacs. Dans les bacs à sable. Voilà, dans les bacs à sable, d'accord. Voilà. Okay, il a trouvé ce producteur grâce à vous? Non, pas du tout. Il est arrivé à l'antenne en disant j'ai un producteur, voilà mon nouveau single. Voilà quoi. Il vous a fait toute la totale, il vous a chanté du Johnny, Pas encore. Il vous a fait la fête de la musique? C'est pour le 21 juin. D'accord, ok. Non, mais il l'a fait à n'importe quel moment. Par contre, est-ce qu'à l'époque où t'étais sur Fun Max, il avait déjà un téléphone de merde avec un toujours, il a pas changé. Non, mais Il m'a envoyé des mailles parce qu'il envoie des mailles. Non, il est sur Facebook maintenant. Il est sur MySpace. Il envoie des mailles et sur MySpace. Est-ce que t'es sur Twitter? Comment? Est-ce que t'es sur Twitter? Twitter? Ah, Twitter, t'es pas dessus? Non. Faut te mettre, mec, c'est quand même important. Déjà, il est portable, c'est déjà bien parce qu'avant, il avait son fixe. Oui. Donc, faut te mettre sur Twitter. Ouais, mais ça limite les appels au final, c'était peut-être mieux qu'il ait pas de portable. Ouais, c'est vrai. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est passer un peu sur toutes les radios, énergie. Bien sûr. Tu crois que tu le fais pas déjà, tu passes partout. Évidemment, mais bien sûr, en plus, il y a la copie conforme sur notre radio, tu peux l'appeler, Max, comme ça, les souvenirs d'époque. Appelle mon pote D-Fool, appelle-les tous. Oui, tu peux les appeler, il y a pas de soucis. Il y a aucun problème. Je passe partout sur la planète. Déjà qu'il a failli être au Starfloor là ce week-end, malheureusement, on s'est décidé trop tard. Tu sais que moi, je travaille pour l'équipe de France et je lui avais promis en Ligue des Champions pour le PSG Barça, je lui avais promis qu'il ferait l'entracte à la mi-temps, c'est comme le fait Michael Jackson et Beyoncé de l'époque, voilà, avec David Guetta. C'est que David Guetta, malheureusement, le grand producteur que tout le monde connaît de L'Ours le Saunier, malheureusement a dû annuler. Mais j'ai prévu de le faire très prochainement. Jean-Pierre, et je serai dans le stade ce jour-là. Je vous jure. Et Max, il va me faire faire aussi un concert, il m'a dit. Ouais, bah bien sûr, évidemment. Faites-le faire à Fun. Exactement. Non, on fera ça, t'inquiète pas. Tu sais quoi, avec Mickaël, on va s'engager. Si le Paris Saint-Germain, je sais que t'aimes bien, va en finale de Ligue des Champions, comme la finale se fait à Munich, on te fait la mi-temps pendant le quart d'heure. Voilà, exactement. À Munich. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? Avec un duo avec Ribéry. Ça va être génial avec Ribéry et tout, ça va être au top. Oui, puis j'ai une chanson. Génial, le môme. Parfait. Vas-y, essaye pour voir, essaye. Chante-la. Il est génial, le môme, quand qu'il a la balle au pied. Rien ne peut l'arrêter, le môme. Vas-y. C'est génial, avec ça, Paris va gagner. C'est une chanson Ballon d'Or, ça. C'est minimum. Disque d'Or et Ballon d'Or. Évidemment. Non, mais t'as vu, Max, ils ont quand même gagné l'équipe de France. C'est le problème, c'est que c'est vrai. Tu sais ce que tu lui dis? Comme moi, excuse-moi, la radio passe sous un tunnel, ça va pas capter. Moi, c'est carrément la radio qui je garde. La radio passe sous un tunnel. Non, mais Jean-Pierre, ça va, t'es pas chiant, Jean-Pierre, hein? Non, j'ai essayé beaucoup de t'appeler après-midi, Mickaël. Appelle-le, n'hésite pas le matin très tôt vers 10h, il adore ça. Non, mais tu peux, bien sûr. C'est pour mettre sur. Sur écoute. Sur Next, c'est ça? Sur iTunes, oui, il faut te mettre sur iTunes. iTunes, voilà, c'est ça. Je pourrais m'y mettre parce que je sais pas comment qu'on fait. Alors iTunes, tu mets la chanson dessus, tu proposes à iTunes. Il faut que tu essaies de contacter monsieur Job. Ouais. Voilà, tu lui envoies un message. Steve Job. Et il va te mettre sur iTunes, comme ça tu peux vendre tes titres. Et je veux dire, on peut l'avoir comment, monsieur Job? Il faut le rappeler à Marabout pour voir. Bien sûr, tu lui envoies un email. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, j'ai trouvé un producteur pour l'année prochaine. C'est parfait, alors, nickel. Merci, Jean-Pierre. Si tu pourrais m'y mettre avant, ça serait déjà pas mal. Mais même en rentaine, il va continuer, faut pas. Mais en rentaine, tu vas voir, ça va continuer, les vumettes vont continuer à bouger tout seul. On va pas te déranger plus longtemps, Jean-Pierre, je sais que t'es très occupé. Okay, faut que tu répètes pour ta prochaine tournée. Et puis bah commence bien à répéter parce qu'il y a Munich là qui approche à grands pas. Hein. Ah bah là on... D'accord. Bon, on va la faire cette finale. Salut Jean-Pierre. Salut Max. Allez, salut hein. Salut Michael. Allez, ciao Jean-Pierre. Ah, toujours un grand plaisir d'avoir Jean-Pierre Sauzet au téléphone, bien entendu. Mais quel bon vent t'amène, Max? Bah écoute, le plaisir, voilà. Je fais de la radio tous les lundis et juste après je t'écoute d'ailleurs. Oui, d'ailleurs c'est Max c'est Radio 2.0, ouais. C'est son nom d'émission. Exactement. Même ça, il a dû pomper, c'est quand même dramatique. Non, c'est absolument dramatique. C'est scandaleux. Non mais je refais un peu d'émission le lundi soir, le Star System sur, sur internet, Prisme Radio. Ouais. Et à chaque fois, quand je finis, je t'écoute. Non, voilà. Bah, et j'ai entendu Jean-Pierre Sauzet la semaine dernière. Ah bah voilà, t'as vu. Voilà. J'ai écouté l'autre, le 2.0, j'ai failli avoir un accident. L'autre il me fait des kiki donc, des machins. Et vas-y, je te fais des. Ah bah enfin, ouais, moi, mais... il me pirate tout quoi. Il faudrait qu'il change de nom, qu'il s'appelle Max, ça serait beaucoup plus oui, simple. Oui, franchement, ouais. Et j'ai zappé. Mais Max 2.0, c'est pas mal. Non, c'est ouais, pas, c'est ça, une bonne idée, ouais, ouais, ouais. Voilà. Je vais lui faire aussi Max de points dans sa gueule. Ça va être... Non, je rigole. Et en plus, je le taquine parce que c'est même pas vrai. Bah, c'est voilà. Juste pour le plaisir de taquiner un peu. Bah, voilà, parce que t'as et plus sérieusement, je t'écoutais et je me suis dit, t'es un de ces quatre quand même. Voilà, Mickaël. Bah voilà, mais écoute, t'es là. Il y a toi, Bruno, tranquille. Le matin, voilà, il y a tous mes amis. Quoi. Exactement. Donc, ça fait exactement, plaisir. Ça vraiment, reste que la... vous soyez là. Voilà, ça, ça reste la famille. Il y en a beaucoup, les auditeurs qui parlent de toi encore. Il y en a qui me dit, ouais, t'as copié Jean-Pierre Sauzet. Il passait déjà chez Max. Oui, oui, je sais. Ouais, mais c'est... je t'ai entendu dire que tu l'avais dit qu'effectivement, il passait chez nous. Exactement. Je ne pompe pas. On peut lui mettre un coup de vieux ou pas? Oui, vas-y. Ah, Max. Non, rien, je voulais juste dire que quand j'avais 12 ans, je l'écoutais. Ouais, exactement. Je suis le coup du gilet, on me l'a déjà fait. Mais tu sais que je le fais exprès, c'est pour mes photos que je mets sur internet. Ah, donc, bah, t'arrives pas à me baiser avec ça, quoi. Bah, très bien. Bon, on le retweetera comme ça si ouais. Vous voulez. Mais j'aime bien si ton vieux t-shirt de HM de 94 aussi. Hein. Merci. T'inquiète pas, j'aime beaucoup. Ah, non, mais ils sont bons. On mettra, ah, on va faire une photo. Ils toujours au climat, j'ai remarqué. Toujours, je vais charger ça. Ouais, toujours. On va faire une petite photo à deux, vous allez voir, ils sont tous les deux bons. Mon salaud, putain. En fait, on n'a pas changé. Exactement. Les cheveux gris. Si, toi, t'as changé, t'as grossi. Toujours les mêmes. Il y a Quentin qui dit arrêtez-le, c'est la perte d'audience assurée Jean-Pierre Sauzet. Non, non, c'est parce que oh, c'est peut-être pas le meilleur single. C'est peut-être pas le meilleur single. Ouais. Il y a Greg qui est content aussi. Max, énorme, c'est cool. Et puis Max chez Mickaël, mais quelle belle soirée. C'est Geoffrey qui avait envoyé le message. Bah voilà, donc Max, que vous pourrez trouver sur le Twitter. Hein, c'est sur. Oui, sur Twitter, c'est ça, sur MySpace. Sur Twitter. Sur Minitel. Mais non, mais on peut te suivre aussi. On peut te suivre, pas trop vite, Max. Quoi, parce que je roule vite, mais on peut me suivre. Ouais. Voilà, Max Star System. Voilà, tout simplement. Exactement. Et puis le lundi. Non, mais tous les lundis, voilà, mais voilà. 22h. Bah, bah, très bien. Et on fait qu'une fois par semaine pour le moment, parce que ça me suffit très largement. Oui, parce que t'as le fou. Ah, je suis trop vieux, ouais, exactement. Non, mais c'est bon. Et puis en plus, il prépare la tournée de Jean-Pierre Sauzet aussi. Ah, bah, alors ça, c'est une comme grosse c'est tournée. Comme c'est lui son ouais. Producteur, apparemment. Donc, félicitations. C'est très important. La finale d'ailleurs, de la Ligue des Champions. Oui. Ah, bah. Le Chapelier fou. Tu vas croquer les armes. Vraiment, Miguel, tu récupères l'album. Oui, mais pas trop vite. C'est vrai, il y a vraiment un album. Non, mais il y avait. Mais vous savez qu'à Fun, à un moment donné, on avait réquisitionné le studio d'RTL en bas où il y avait les grosses têtes. Et j'avais fait un concert en live pendant une heure. Ça a été la plus grosse erreur de radio de ma vie. Des conneries, j'en ai fait. Alors celle-là il faut le gérer. Mal, hein. Ça a été pas mal. Et Jean-Pierre Sauzet. Avec un costume en paillettes. Oui, bah, comme d'habitude, vraiment une boule à facettes. Si vous tapez Jean-Pierre Sauzet sur Facebook, vous le verrez avec le même costume. Hein. Ouais, vous allez sur Internet, donc... vous tapez Confession Intime parce qu'il avait fait une. Ah oui ah, il a fait un il était dans Confession Intime également, Jean-Pierre voilà. Sauzet. C'est vrai, une exactement. Une vraie catastrophe. Bah, oui, c'est on l'aime bien. Sauzet, quoi. Mais bien sûr qu'on l'aime bien, évidemment, évidemment. Bon, bah merci en tout cas, Max. Merci. Tu repasses quand tu veux, pas de problème. Tu salueras Jérôme pour moi. Oui, bah sans problème, sans problème. Donc voilà, Max Radio 2.0 que vous trouvez aussi sur Internet, bien entendu, puisqu'il a tout. Ah mais Max 2.0 dit plutôt Max le Star System parce qu'à un moment donné les gens vont finir par le croire. Et l'autre il va devenir fou furieux, il va plus savoir où il en est quoi. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Et puis bah voilà, je vous mettrai. On va mettre une petite photo avec Toff et Max pour faire un battle de pull. Ah ouais. Ouais non mais je peux pas lutter, c'est lui le plus beau. Attends, attends. C'est joli ça. Respect, respect à Max, beau, je peux pas. Non, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Ah ouais. Bah il se passe en soi un truc avec Jean-François là. T'es à JF. JF. T'es toujours là hein. Je suis là. Ah très bien, parce qu'il y avait Mélissa là qui voulait qui voulait te chauffer là, JF. Et puis toujours Vanessa avec nous également là, Vanessa. Oui. Ça va mon chéri. Quelle salope cette. Non parce que on a entendu. Tu sais que je suis toute chaude. Oui oui parce que Vanessa a entendu que t'étais en train de chauffer Mélissa et du coup elle tire la gueule. Ah bah oui. Tu me fais des infidélités. Ah bah complètement. Ça se fait pas hein, JF. JF. Oui. Attends, je vais le démarrer un peu là. Tu te caresses, JF. Est-ce que tu te caresses en pensant à moi? Vas-y, oui. JF. Vas-y, JF. Allez, je te caresse. Allez, vas-y. T'avais joué ça, c'est oui, pour toi. Oui. Ah déjà oui. Ah putain, merde. Mélissa, désolé, t'es arrivé un peu trop tard. Oh mais non, fallait partager. Ah bah ouais, mais bon, écoute, je te le passe quand pas même. Grave, bon. J'ai Mélissa, combien mesures-tu? Non. Moi bah oui, mais qu'on sache à qui on parle. Non, pas toi, JF. Mélissa, combien mesures-tu? 1m63. Ah. Combien pèses-tu? Combien elle mesure? 55. 1m63 elle mesure. Et l'autre mais c'est ce que j'aime. Oui, ouais. Bah oui, on a compris. Combien pèses-tu, Mélissa? Je vais mettre 65. Donc, combien pèses-tu, Mélissa? 55 kilos? Oui. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 90. Mmh. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Oh. Ah oui, JF. Ah, elle te met bien là, elle ah, te met bien. Ah, on est bien là avec Mélissa. Elle me plaît bien. Ah, bah, je suis complètement bah, jalouse. Écoute, bah oui, Vanessa, mais bon. Alors, bah, Mélissa, oui, je te présente JF, JF, Mélissa, Mélissa, JF. Bonjour, Mélissa. Ça va? Et toi? Attention, là, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau millénaire. Une faille spatio-temporelle. Tu habites à Paris, non? Non, j'habite en Alsace. Où? En Alsace. Bah, ça fait loin de chez moi. Ça. Non, mais elle rigole, elle habite à Paris, elle se fout de toi, évidemment. Évidemment. t'habites où, toi, JF? À Annonay. T'habites où? Moi? JF? Oh là là, JF, t'habites où? En Ardèche. Ah, en Ardèche? Ah, bah, elle habite là aussi. À droite. Ouais. Rue d'Alsace. T'es dans quelle ville, toi? Annonay. Et c'est à côté de où? C'est à côté de quoi? Bah d'Annonay. Non mais... Annonay, c'est à 45 km de Valence. Ah bah elle habite à Valence, hein Maïssa? Oui, bien. Bah voilà, elle est à Valence, alors continuez. Ah bah là c'est mort. Hein. Alors? Oui, dis-moi. Oui. Quel dommage. Alors quoi? C'est dommage, oui. On pourrait pas parler hors antenne? Bah non, mais t'es hors antenne là déjà, on a mis un disque là à la radio, hein. Bah nous on écoute mais t'es hors antenne, je veux dire, on a mis de la musique à la radio. Tu t'y mets des fois en jupe? Parfait. Hop, souvent, oui. Oh là là. Mais j'ai horreur des culottes. Tu portes pas de culottes? Jamais. Ah tu me pètes là en plus. Quelle horreur. J'espère bien. Moi je mets des cassons, tu sais, moulins là. Tu te dis comment je mesure? On s'en fout en même temps. C'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Hein? C'est vrai qu'on se rencontre? Aïe aïe aïe. Ou pourquoi pas? Faut qu'on échange notre numéro de téléphone. Moi je connais pas le mien du fixe. Tu connais pas le mien? Mec, tu me donnes ton 06. Tu demanderas à Mickaël parce que je le connais pas par cœur. Ah bah mien. Entre ils vont bien s'entendre. Tu demanderas à Mickaël. Tu sais, même sans doigt, elle te donnera. Attendez. Ouais, je lui demanderai. Allez, on est de retour sur Fun Radio. Là, ouais. Comment ça s'est passé, là, JF, la discussion en antenne? Bien. Bien, t'as réussi à pécho, là? Ouais, je lui ai demandé son numéro du 06, mais non, elle le connaît pas par cœur. Ah merde, ah. Dommage. Oh, je suis déçu là, je suis déçu. Elle est pas dans le 07? Ah non, mais si, mais c'est lui qui l'est dans le 07 l'Ardèche là-bas, bravo. Je te remercie. Voilà. Bon, Mélissa. Géographie. Mélissa, donc, est-ce qu'il te plaît, JF? Oui. Ah bah dis donc, il a fallu bien réfléchir. Tiens, il y a Aurélien qui dit bande d'enculé, il est où mon message de bienvenue? Il y a Toff et Polo qui sont en première position. Ah d'accord, ok. C'est tellement con, mon ami. Ah bah oui, ça c'est... Oui, là pour le coup, effectivement, il y a Migoumi qui dit excès de mollesse chez JF. Ouais, mais il est fatigué, il est tard, là. Hein, JF? Bah, il s'est astiqué toute la journée. Bah oui, c'est ça. Bon. Des fois, je fais 3 fois par jour, 4 fois. Ah, quand même, bon record, là, pas mal. Bravo, pas mal, bravo. Pas mal. JF, le roi de la branlette. Exactement. Bon, JF. J'ai commencé mon record. C'est quoi le record? 10. Oh là là, c'est énorme. Bon, JF, on va pas te déranger plus longtemps. Ouais. On va te remettre en antenne avec Mélissa si elle veut. Hein. Mais on met en antenne. Oui, bien sûr, pas de problème. Salut, JF. Tu t'es pas branlé là, rassure-moi. Hein. JF. Est-ce que tu. Oh là là, il t'as son numéro de portable, toi? Comment? T'as son numéro de portable? Bien sûr, je l'ai. J'ai le numéro de portable de tout le monde. Tu peux me le donner? Ah bah écoute, si elle veut, oui, on va gérer ça en antenne, JF. C'est mieux. D'accord, ouais, ouais. On fait ça, ouais. Bon, et arrête un peu, calme sur la boisson, JF. Hein. Ouais. Et sur la branlette aussi. Hein. C'est pour que moi, il faut que je fasse. Oui, bah Vittel, c'est mieux. Vittel ou Coca, c'est bien, JF. J'ai préféré que ça soit... Oui, c'est très bien, t'as JF. T'as compris? Ouais, j'ai bien compris. Salut, JF. C'est mon pote. Salut JF, oh, on était au top. Avec Jean-Pierre Sauzet, on était au top avec JF, là, magnifique. Il manquait plus que Filou, là, Gilou et Philippe. Ah, et alors là, on était au top. Bon, Mélissa, eh ben, écoute, bon courage. Hein. Merci. Bon, ça va bien se passer, là, t'inquiète pas. Ok. Mais si t'es vraiment un chien, je suis dispo. Hein. Ouais, mais t'inquiète pas, la Dictof et Polo étaient en premier sur la liste. Envoie-moi une photo. Non, quoi, Polo le pauvre, il est malheureux là. Envoie-moi une photo à polo@funradio.fr. P-O-L-O. N'hésite pas. Voilà, c'est ça. Nu, si possible. Bon, salut Mélissa, gros bisous. Gros bisous. Aura-t-il enfin sa première photo? Parce que je rappelle que depuis qu'il donne son adresse mail à la radio, personne lui envoie de photos. Personne, j'ai reçu des menaces de mort. Et des menaces de mort. Et des choucroutes, il a reçu des choucroutes. Voilà, c'est ça. Des menaces de mort. Mais jamais de film. De filles, c'est un truc de ouf quand même. Ouais. Bon, allez, restez sur Fun. On va se mettre. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Clan Carousel. J'avais promis Linkin Park tout à l'heure. On va se le mettre aussi. Enfin, je l'avais promis, on me l'avait demandé. Donc, je vais le mettre tout à l'heure. Le son de Linkin Park. Où est-ce qu'il est celui-là encore? Faut que je le retrouve depuis le temps qu'on l'a plus mis. Ah oui, voilà. Voilà, Light That Never Come. On se le mettra tout à l'heure. Le son de Linkin Park sur Fun Radio. Et puis, bah, Clan Carousel, hein, je vous l'avais promis. On se le met tout de suite sur Fun Radio. Et on revient avec vous toutes et vous tous. Avec la PS4 également à gagner avec la colle. On fait ça dans moins de 2 minutes sur Fun. Ah, on s'est mis bien là. Ouais. Bien chill, tranquille, avec plein de carousels, Suntans sur Fun Radio. Minuit 50, toujours au cœur de la nuit, sans pub. Donc là, on est plutôt à la cool. Et puis les popoles de cul. Oui, aussi, on peut le faire tant qu'à faire. Oh, grâce au pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, c'est rien, c'était Toff qui passait des coups de fil. Pour la chaîne de Sandro, on proposait Imodium. Ah, oh, Imodium, bah oui. C'est... Ah non. Ah, Imodium, c'est gros, c'est un cacheton qu'on prend quand on a la chiasse. Bah ouais, mais la pauvre. Hein. Bah c'est bien, Imodium, c'est bien. Ça va porter la poisse, elle va chier partout. Arrête. Il y a Brandon qui dit, je suis mort de rire, les mecs, vous assurez grave. Merci Brandon. Et Aurélien qui dit, bande d'enculés, il est où mon message de bienvenue? Je l'ai dit, toi, il me semble, le message de bienvenue, me semble-t-il, en tout cas. Hein. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Oh, je l'adore, voilà, est-ce que elle. Tu comprends? Ouais, ta gueule, gros bâtard. Ah, tant qu'on était dans le nord là tout à l'heure, on y reste. Sébastien qui dit kikou l'équipe et bravo, on a bien rigolé avec les réponses de toutes sortes là. Qui a gagné? Je ne sais plus de quoi on parlait. Je pense de la colle, mais on n'a pas dit qui a gagné. Non. Bah, pas encore, d'ailleurs je suis en retard, mais on va faire ça maintenant. On va appeler le gagnant ou la gagnante maintenant. T'es toujours là, ma belle Stécie? Oui. Très bien. Bon, on va faire la colle maintenant, le gagnant, la gagnante. Hein, Stécie? Oui. On verra en tout cas, hein. De nombreuses personnes se sont inscrites avec la réponse peut-être à la question « Plus on tire dessus et plus je deviens court, que suis-je ?» Et vous avez pu répondre donc soit par SMS, soit via le Facebook de l'émission en tapant M-I-K-L officiel. Et donc, eh ben, nous allons appeler le gagnant ou la gagnante maintenant. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, elle gagne, tu perds, ok? Si oui, jamais, mais faut pas qu'il décroche. Voilà, si jamais il décroche et qu'il a la mauvaise réponse ou que bah il ne décroche pas, c'est toi qui gagne, d'accord? Ok. Allez, on y va Stécie, je croise les doigts pour toi. Et puis bah la PS4 peut-être pour toi justement Stécie, hein. Allez, on y croit. Enfin, on essaye d'y croire. C'est parti. En même temps pour la PS4, moi je mets le réveil. Ah bah je peux te dire que je mets le télé la sonnerie à fond de balle. Ouais. Bon. Non. Ah, Stécie. Oui. Si. Croise les doigts. Ouais. Si tu serais la deuxième fille. Ah. Il n'est pas disponible pour le moment. Attends. Après le bip. Tu serais la deuxième fille à gagner. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Allô, bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio sur Fun Radio et il y a Stécie qui a une colle. On va les faire dans la règle de l'art. Ouais. Stécie, pose la colle. Alors, plus on tire dessus et plus je deviens court. Que suis-je? Alors, est-ce que le répondeur a une réponse? Attends, laissons réfléchir le répondeur. Il réfléchit, moi. Il a le droit à un moment de réflexion. C'est ça, un moment de réflexion, il n'y a pas de raison. Tout le monde a le droit au moment de réflexion. Voilà. Non, le répondeur n'a visiblement pas de bonne réponse et malheureusement, le répondeur perd. Bravo Stécie. Ben merci. Bravo Stécie. Eh ben voilà, et en plus t'es la deuxième fille. Ah, il vénère. T'es la deuxième fille à avoir gagné la PlayStation 4. Hier c'était déjà une fille, c'était Emily qui avait gagné sur le Facebook. Ce soir Stécie, deuxième fille qui gagne. Et donc la réponse, plus on tire dessus et plus je deviens court, que suis-je? C'était quoi du coup Stécie? C'était une cigarette. Eh ben voilà, c'était la cigarette. J'avais donné quelques indices en plus là. Oh là là. Ah, bon. Tous les gens qui doivent être dégoûtés là. Doivent être vénères, l'autre il a pas décroché quoi. Ah là, enfin l'autre, ouais, garçon ou fille, je sais pas en fait, puisque sur le répondeur il n'y a pas de prénom. Bon ben, oui, déception totale. Bah oui, j'imagine, déception totale pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que je me mets à sa place demain matin quand il va. Vous avez un nouveau message. Ah bon? Hop, j'écoute, et là il veut nous entendre. Je pense que le mec il peut casser des portes. Ouais. Ah oh là là. Ah bah ouais. Il vaut mieux. T'imagines là, il a raté parce que, je sais pas moi, il s'est endormi, bêtement. Ouais. C'est bien, ah, il peut être vénère. Mais c'est pas grave qu'il continue à dormir. Oui, bah là, t'inquiète pas, il est encore sur le répondeur. Là, tout ce qu'on dit, il est encore entendu, donc il n'y a pas de problème. Bon, ça va alors. Et bah écoute, celui ou celle qui est sur le répondeur, bah écoute, dommage pour toi, mais tu retentes ta chance quand tu veux. On est là tous les soirs de la semaine et on a une PlayStation 4 à offrir tous les soirs, jusqu'à jeudi inclus. Donc, bah voilà, dommage, et à bientôt. Et puis, bah Stacy, bravo encore une fois, la PlayStation 4 est pour toi. Comme quoi, en posant la colle, on peut parfois aussi gagner. Ouais. Oui, bah oui. Merci alors, beaucoup. Les gens ont rarement la mauvaise réponse, mais ce qui arrive de temps en temps, c'est que ça ne décroche pas comme là ce soir. Bon, bah bravo Stacy. Merci. Je t'en prie, je te fais des gros bisous et passe une bonne soirée à l'écoute d'Afan. Mais moi aussi, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée bien. À vous. Salut à toi, Stacy. Ciao. Bon, eh ben voilà une bonne chose de fait, tiens. Hop là, la PlayStation 4, elle est partie, c'est plié, c'est plié. Bon, il y avait Lucie également avec nous là. T'es là, Lucie? Oui, oui, je suis là. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, tranquille. Ah, tu voulais draguer JF, toi? Enfin, draguer, chauffer, quoi. Ah, le chauffer. Attends, on va le rappeler. On peut rappeler JF, quelqu'un d'autre qui vient d'arriver. Attends. C'est surtout pour me foutre de sa gueule, quoi. Non, tu vas le draguer ouvertement, parce que t'es amoureuse. Mais non, t'es amoureuse, mais évidemment, t'es amoureuse. Combien mesures-tu, Lucie? Ah bah oui, alors 1m75. Combien pèses-tu, Lucie? 75 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Ah oui. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 40. C'est la boîte espagnole est plus que faisable. Oui, hein. C'est peut-être pas la peine de rappeler JF. Hein. Ouais, je suis tout à fait dragable. T'offres prend. Attends, on va quand même rappeler JF. Attends, bouge pas. Avant ça, on appelle encore quelques. C'est quand que t'as fait l'amour la dernière fois, Lucie? Ce week-end. Ah, ce week-end. Où ça? Bah, chez mon copain. D'accord. Donc, genre, je veux dire, classique. Lit, chambre. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et Mélissa, c'est quand que t'as fait l'amour la dernière fois? Il y a deux semaines. Il y a deux semaines, d'accord, ok. Vous avez très bien. Fait quoi? Ouais, vous avez. Bah non, mais c'était où surtout? Dans une caserne de pompiers. Ah oui, t'es rock'n'roll toi, Mélissa. Les gars, il y a le feu. Attends, j'arrive. Attends, je suis en train d'éteindre l'incendie là, déjà. Là. Et attends. Pas mal, la caserne. Ah oui, et Laura aussi de Marseille là. Bonsoir Laura. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, c'est quand que t'as fait l'amour la dernière fois? Tout à l'heure. Ah, très bien, parfait. Tiens. Non, parce qu'on est tombé sur une enquête. Tu lui as pas demandé où? Oui, où ça, Laura? Dans ma salle de bain. Dans ta salle de bain. Ah, c'est pas mal ça, c'est sympathique. Donc. Et tous ces gens qui sont en train de faire l'amour pendant qu'ils sont en train de nous écouter, ça c'est beau. Au moment où on parle, je me demande combien de personnes sont en train de niquer. Ça défouraille, ça bourre, ouais. Tire-larigot. T'imagines, là pendant qu'on parle, combien de personnes sont en train de baiser quoi. Ça démonte. Ouais. J'avais trouvé un site avec une. En fait, où tu vois plus ou moins en temps réel. Ouais, mais bon, ça reste plus ou moins. Ouais, ça reste de la statistique, mais ça bon. Reste de la stat, mais bon. Bon, parce qu'en fait, on vous pose ces questions parce que on est tombé sur un sondage anglais qui disait qu'un couple sur sept ne faisait plus l'amour. C'est quand même dramatique. Et donc, on appelle des gens depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on était tombé sur une charmante personne du nord de la France. Oui. T'as entendu tout à l'heure là? Oh oui. Quelle violence quand même. Gratuite, oh hein. Gratuit, gratuit. Donc, on va rappeler d'autres personnes maintenant puisque vous avez été nombreux à envoyer des numéros de téléphone sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Donc, on appelle encore des gens maintenant. Allez, c'est parti, Toff. Restez là les filles, hein, je vous reprends juste après. On aura JF aussi de retour. Allez. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois. Qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Toff. Pourquoi vous me demandez ça? Bah, pour savoir. Bah, non, j'ai pas envie de vous répondre. Bah, pourquoi vous voulez pas me répondre? C'est pas. Allô, c'est qui là? Oui, bonsoir, monsieur. C'est qui? Moi, c'est Toff. Toff? Oui. Et alors, c'est qui? Ben, je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois avec votre femme. En quoi ça te regarde? Ben, c'est pour savoir, monsieur. Et si je te dis la réponse, qu'est-ce que tu auras plus? Ben, rien, je saurai quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois. C'est super, ben, c'était hier, t'es content? Ben, oui, ça me fait plaisir, monsieur, c'est très gentil. Allez, bonne soirée, rappelle pas parce que je vais te retrouver, moi. Mais monsieur, pourquoi toute cette violence? Allez, vas-y, m'énerve même pas parce que je vais te retrouver. Ben, je veux pas vous énerver, monsieur, mais vous me semblez un peu tendu. Allez, salut. Ben, attendez, monsieur, non, je voudrais pas qu'on parte fâché. Ah si là visiblement il est fâché, on le rappelle ou pas? Parce qu'il a bah oui, non, si final, faut, mais... non mais faut le rappeler, je veux bon. Pas qu'on parte fâché. Bon on le rappelle. Puis on en regoutera, on écoute. Il y a Eminem aussi qui va débarquer avec The Monster. Eminem et Rihanna. Bah alors quoi, genre il est. Allô? Oui excusez-moi mais je voudrais pas qu'on parte fâché monsieur. Attends mais t'es qui toi? Pourquoi tu appelles chez moi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je m'appelle Toff, monsieur, et je voulais juste savoir quand est-ce que vous aviez fait l'amour pour la dernière fois. Parce qu'en fait, il paraît qu'un couple sur sept ne fait plus l'amour, monsieur, c'est quand même... Bon, je suis pas dans cette tranche-là, alors c'est bon, maintenant téléphonez à quelqu'un d'autre, ok? Bah oui, monsieur, mais je voudrais pas que vous soyez fâché. Non, je suis pas fâché, c'est bon, allez, maintenant... Mais promis, monsieur, vous me promettez que vous êtes pas fâché? Bon, c'est bon, tu me laisses tranquille maintenant. Oui, mais promis, vous êtes pas fâché? Ouais, promis, je suis pas fâché. Allez, bon, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Ah bah voilà pour une fois qu'on a quelqu'un qui est pas fâché. Voilà, non mais c'est ça, ça ah non, mais c'est vrai. Bah bien sûr. Espèce d'enculé. Voilà, c'est ça. Non mais pour une fois, c'est bien. Il y a Stéphanie aussi qui a envoyé un message. Stéphanie qui dit j'ai fait l'amour que deux fois cette année. Bonjour la tristude. Ah oui, bah ah deux oui, fois c'est pas énorme. C'est la loose. Ah oui, là c'est un peu la merde. Il y a ah ils veulent mettre la Team Beach chez Mickaël, tiens en top tweet. Bah allez-y hein, si vous voulez. Il y a Angelina qui dit le pull de Max est évidemment le meilleur par rapport à celui de Toff. Parce que j'ai mis la photo hein. J'ai mis la photo de Max ceux qui écoutaient avant Fun. Qui est passé nous voir en speed là comme ça et le pull de Toff hein, tous les deux horribles mais quand même c'est vrai que celui de Toff est quand même bien plus moche. J'aimerais quand même savoir ce qui se passe entre Angelina et Toff. Ouais parce que pour avoir la rage comme ça contre Toff. Il y a Alexis qui dit oh putain pourquoi il répond pas ce con. Il y a Alan qui proposait Ibatar pour le chien. Pour ouais, le chien de Sandro. C'est une femelle Ibatarde. Ben non, c'est moche. Voilà. Bon, il y a Angelina qui dit on est à l'aise avec toi, Mickaël. Merci, Angelina. Il y a Patricia qui dit coucou à vous tous. On vous écoute tous les jours, vous êtes vraiment super. Merci. Et Kevin qui dit moi, je dis posez devant Mickaël avec un petit mojito. Oh l'enculé. Bah partage un peu là putain. Et Emeric qui dit énorme JF et ses fantasmes, je vous écoute depuis la Guyane, il est 20h06. Non bah là il doit être 21h maintenant depuis que le message est passé. Oh là là, toutes ces dégueulasseries à 21h. Oh là là là là, t'imagines et un peu Canada, là. Au Canada il est 16h non 18h. Ouais bah il y a 6h de moins là au Canada. Et la ouais. Sortie des écoles au Canada. Exactement. Et encore enculé, qu'est-ce qu'il y a ici là, qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Oh, on... putain, qu'est-ce que c'est ce truc. Vous avez pas grand chose à branler de votre journée. Exactement. Bah exactement aussi. Ouais. Et puis les vos poils de cul. Bon, alors, du coup, avant qu'on fasse d'autres appels, Mélissa, oui. Pardon, Lucie. Oui. Tu voulais parler à Jean-François qu'on a récupéré du coup, hein. JF. Ah, allô. Oui. Ouais, on a encore quelqu'un pour toi. T'es un vrai. Sex symbole. Oui, t'es un sex symbole. Ouais. T'es un séducteur. Oui, un don Juan. C'est le mot que je cherchais. Un don Juan. Un symbole tout court. Oui, oui. Je suis très mignon. Je suis très mignon. Oui, oui. Bah, on n'en doute pas, Jean-François. Bon, alors Lucie. Oui. Bon, Lucie qui voulait draguer Jean-François. Alors Jean-François, Lucie, Jean-François. On va mettre de la musique pour pas vous déranger et puis on revient juste après, hein, d'accord? D'accord. Et pendant ce temps, vous pouvez parler hors antenne. Lucie, c'est d'accord. Lucie. Oui, hop, c'est ça. Voilà, oui, donc c'est là, nous entendons plus. Comment vas-tu, Lucie? Ça va et toi, Jean-François? Bien. J'aimerais mieux être à côté de toi, mais par téléphone, c'est pas trop m'exprimer. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Est-ce que je me branle là ou pas? C'est pas grave. Et je vais être franc avec toi. Je veux me branler. Ouais, j'aime les femmes. Oui. Mais tu je suis très dans timide. La même quand j'ai bu. Ah, ah c'est pas trop grave. Là, je te rassure, ça fait 3 jours que j'ai pas bu. Ah bon? Ah, ça me voilà rassuré. Il avait des réserves, hein, donc faut le temps que ça parte. Bah, essaie d'arrêter. Ah, c'est mieux, merde. Ouais. Bah, faut continuer. Non, d'arrêter. Ah, oui. Faut continuer. Faut continuer d'arrêter. Mais essayer, c'est dur. Hein. Oh oui, bah, je sais, je m'en doute. Bon, je fume beaucoup aussi, je fume beaucoup la cigarette. Ouais. Mais je suis sportif, hein. Ah oui, bah oui. Ah bon, t'es sportif. Elle a compris t'es sportif. T'habites où, Lucie? J'habite à Valence. Ah, mais c'est à 45 mètres d'ici. Alors qu'en fait, oui, elle a oui, je sais, j'ai entendu. C'est bien. Je peux venir te voir en bus. Ouais. Parce que j'avais le permis, mais on m'a fait un retrait de permis. Non. Étonnant. T'es à Valence, c'est vrai? Bah oui, je suis dans le centre-ville de Valence. C'est à 45. Et eh ben moi, je prenais mon train là-bas pour aller à Grenoble, à la caserne. D'accord. À la caserne, parce que à c'est la gare de Valence. D'accord. Alors, est-ce qu'on est de retour là? La musique est finie là. Bon, alors ça se goupille comment là? C'est bien ou pas? Ouais. Oui, c'était pas mal. Elle a une jolie voix, elle a une jolie voix. Ah, elle a une jolie voix. Elle a une jolie voix. Eh ben très bien. Très douce, très douce. Bon, et qu'est-ce que t'aimes bien faire sexuellement? Qu'est-ce que tu lui ferais si tu pouvais? Là, comme si ça, maintenant. Si je pouvais, elle serait avec moi? Ouais. Ouais. Mais je la déshabille pas tout de suite. Mais tu la déshabilles pas tout de suite parce que tu peux pas? Je l'embrasse. Ouais. Oh, c'est excitant, ça, Lucie, non? Oh ouais. Oui. Tu lui coupes les cheveux? Non, touche. Tu lui touches les cheveux, c'est un bras dans le cou. Non. JF, tu après, m'entends? Je m'allonge, je vais l'habiller et je la déshabille petit à petit. Et quoi? Tu l'habites petit et à petit? Après, je fais l'amour. Non, c'est so cute. Et vous prenez une douche habillée, bien sûr. Ah bah évidemment. C'est ça, entre mes femmes, c'est pas nous, c'est la nature. Ah mais bien sûr que c'est la nature, évidemment. C'est évidemment. La nature, tout le monde le fait. Mais bien sûr, est-ce que ça t'a excité, Lucie, là? Est-ce que t'es bouillante, là? Elle a une voix qui m'excite. En plus, t'as vu, elle est déjà bouillante, Lucie. Hein. Là, c'est un peu, c'est un but point chez moi. En plus, elle est bouillante, c'est quand même magnifique. Là, tu vas être bien, tu vas pouvoir te mettre bien. Chaude comme la braise. Exactement, oui, tout à fait, oui. Oh, même la braise est un peu moins chaude. Les choses, Lucie, les choses. Mais oui. Je te sucerais le sang et tout, tu verras. Juste ça? Oh, tu aimes le sperme? Oui. À qui tu parles, lui? Oh, arrête, tu me fais bander. À qui tu parles, toi? Ouais, moi, bah, comme je branle 3-4 fois, c'est tout. Hein. Oh. Oh, écoute. Oh bah dis donc. Ah il est au taquet hein. Ah t'as vu ça? Ah bah ouais. Ah ouais, après tu prends le manche en main et puis tu guides hein. Eh bah. Ah oui. Ah t'as vu, eh JF t'es chaud là hein. C'est chaud JF hein. Hein c'est chaud hein. Bah c'est ouais chaud, t'as vu tout ce que tu dis là. C'est ah, chaud hein. Chaud dis donc. JF bravo hein, t'arrives à prendre les choses en main toi hein. C'est très intelligent. Ah oui, exactement, ouais. Bon, bah écoute, Lucie, on va vous repasser JF en antenne avec Mélissa, comme ça vous fera un truc à trois. Par contre, Michael, c'est oui. possible d'avoir mon message de bienvenue, parce bah. que plusieurs fois j'ai appelé, plusieurs fois il n'y avait pas de place. Non et, J'ai jamais eu mon message de bienvenue. Oh là là. Bah bien sûr, attends, j'en ai un là. Oh grand sur pute, qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, c'est possible d'avoir un pack fun. Oui, tu vas gérer ça avec, avec Sandro. Sandro, on va te mettre JF dedans en même temps, tiens. Voilà. Salut à vous gros en tout cas. Bisous à tout le monde. Merci d'être passé. Allez, ciao à vous. Bonne bye soirée. Bye. Ciao. Ciao. Bye bye. Bon, Laura est avec nous également là. Allô Laura. Allô Laura. Oui, allô. Oui, allô. Ça va bien Laura? Oui, ça va. Bon, toi tu nous appelles. Je vois l'encendreur qui veut. Tu veux donner des nouvelles. Mais des nouvelles de quoi? Est-ce que j'avais appelé il y a 2 mois comme quoi j'étais en couple avec un garçon que je n'avais jamais vu? Oui, exactement, oui, je le m'en souviens. Le fameux couple. Et oui, exactement, je m'en souviens, tu nous avais appelé, t'étais en couple avec un mec que tu n'avais jamais vu. N'avais d'ailleurs eu au téléphone une fois et après, il avait changé de numéro, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Tu veux nous raconter la suite dans quelques minutes? D'accord. Bon, bah, juste après le son d'Eminem et Rihanna, Monster, t'aimes bien? Oui, j'aime bien. Ah, bon, on le fait péter maintenant, il est 1h05 sur Fun. On est au cœur de la nuit sans pub, bienvenue tout le monde. Eminem, Rihanna à l'instant sur Fun, The Monster, et bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. Incroyable mais pas digne de pitié. C'est un peu un résumé, voilà, de l'émission. Il est 1h10, il y a Andrada qui dit sympa la soirée avec vous, bah merci, bisous à toi. Axel qui dit non mais sérieux, c'est quoi ce mec là, lol, en tout cas vous assurez, je bosse jusqu'à 5h, c'est un plaisir de vous écouter. Bah merci beaucoup Axel, le nom de la chaîne, on proposait Iso pour la chaîne de Sandro, je rappelle qu'on a mis la photo de la chaîne de Sandro, c'est un petit chiot encore évidemment. On dit une chiotte alors du coup ou pas? Non, on dit une femelle. Ah pardon. Un chiot femelle, une chiotte. Voilà, et donc elle n'a pas de prénom encore. Et donc on cherche un prénom, c'est l'année du I apparemment. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc on proposait Iso, il y a Angelina qui dit bah ce qui déclenche ma rage contre Toff, c'est que Shrek est plus beau et moins con. Je déteste Shrek, donc je déteste Toff. Oh la okay, logique. C'est une bonne logique, Angelina. J'adore cette logique. Ouais, Jordan qui dit une frire, celui-là, il y a la voix de pédale de Toff pour les appels, c'est dingue ça, c'est Ben qui avait envoyé le message. Il est complètement ouf ce gars, c'est Adeline et Mystique qui dit oh là là, lui il est pas clean, hein. C'était par rapport à JF qu'on a eu à l'instant. On pourrait l'appeler Igloo. Ça c'est mignon ça, Igloo. Ouais c'est mignon mais ça fait masculin. Oh, oh. In love. Itérus, in utérus. C'est bien ça, in utérus. Pour la chienne on proposait Imagine, Image ou Inaya. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Marie qui dit l'équipe, je vous suis depuis un mois et j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Et pour le chien on proposait Iris. Alors le message de bienvenue. Pitoyable, mais pas non pardon, je viens de le mettre. C'était mon con mon ami. Ah bah oui complètement. Hein. Imagine, Inaya ou Inès, ouais pourquoi pas. Il y a Alexandre qui dit un prénom, c'est Ikra. Écrasé. Ah, c'est bon ça Alexandre. Ah, il y a Dante qui dit coucou de Philadelphie. Oh l'enculé, il nous écoute de Philadelphie. Oh l'enfoiré. Bon bah bienvenue, merci à toi d'écouter. C'est cool, il y en a plein qui écoutent partout dans le monde comme ça. Stéphane qui dit à cause de vous, j'ai décidé de prendre mon petit déjeuner avant d'aller dormir. On proposait Is No Good pour le nom, tiens, c'est pas mal. Idéfix pour l'appeler le chien, c'est Mathieu. India pour le chien de Nail Sochi qui est Daoud Douida qui dit ils ont buté les deux. Ils ont buté. C'est pas mal comme idée. J'aime ça. Bien ça. Ou ils mènent également. Ou ils passent par. Ou ils pissent partout. Ils pissent partout. C'est Steve. Ouais. Il c'est sert également ça, parce qu'il sert à rien. Et Stéphanini qui dit in love pour le chien. Idline qui dit Ipsa. Marino qui dit Inouk. Imen pour Monique. Ice-T pour Stimult. Ah oui, c'est pas mal ça, Ice-T. Ice-T, ouais, c'est mignon. Ouais, Ice-T, c'est une idée. Ouais. Bon, bah allez-y, si vous avez encore des idées, vous proposez. N'hésitez pas maintenant sur le Facebook ou alors sur le Twitter, vous tapez le hashtag MIKL. Bon, alors Laura. Laura ? Oui, je suis. Ah voilà. Bon, à prendre des nouvelles. Donc Laura qui nous avait appelé de Marseille il y a un mois, deux mois, je sais plus. Deux mois, il me semble. Deux mois, ouais, quelque chose comme ça. Et donc, qui nous avait appelé parce que elle sortait avec un mec qu'elle n'avait jamais vu. Elle l'avait eu au téléphone une fois, ouais. Et puis il avait changé de numéro, et depuis, il se parlait sur Internet. Et donc, elle voulait savoir si c'était normal ou pas. Donc, on lui avait dit non. Et quelles sont les nouvelles neuves, Laura ? Ben, les nouvelles, c'est que je l'ai rencontré 3 ou 4 jours après, parce que quand je vous ai appelé, il écoutait la radio. Non. Donc, il s'est reconnu dedans. Ah, il doit nous haïr, comme on l'a démonté en plus. Et alors ? Et donc, on s'est vu 3-4 jours après, et aujourd'hui, on est ensemble, et voilà. Non. Et il t'a démonté il y a une heure dans la salle de bain. C'est ça, oui. Bravo. Eh ben, comme quoi, faut jamais écouter les conneries qu'on dit. Parce que nous, on avait dit, vas-y, base-le, vire-le, c'est un mec, c'est un con, il se fout de ta gueule, etc. Bon, finalement, peut-être pas, alors, hein. Comme quoi, on peut se tromper. C'est énorme, c'est grâce à nous un peu. C'est ouf, hein. Ouais. Parce qu'il l'a entendu à la radio, donc il s'est dit, faut que je me bouge le cul un petit peu, là, parce qu'ils sont en train de me démonter, ces petits connards sur l'antenne. Ouais, peut-être aussi, Mais il a dit quelque chose par rapport à nous, il a dit qu'on était des cons, bah, tu peux le dire, hein, c'est non, pas grave. Non, pas du tout, il a dit que, D'accord, mais non, mais il a bien fait. Oui, j'ai dit qu'en fait, j'avais du courage de passer à la radio comme ça, et puis après, en fait, il m'avait menti un peu sur son prénom et sa ville parce qu'il était en couple avec une fille à la base. Et en fait, il habite à Marseille comme moi, donc voilà. C'est magnifique. Oh l'enculé, donc c'est-à-dire qu'il habitait à côté de toi, il a dit ouais, j'habite super loin parce qu'il avait une deuxième vie en fait. Oh l'enculé, c'est vrai mec. Et quand tu l'as vu physiquement, t'as été déçu, tu l'imaginais comme ça ou pas ? Non, pas du tout, j'ai pas du tout été déçu, non. D'accord. Bon, et lui, il a viré sa meuf ou du coup, t'es la maîtresse du coup, il est plus avec sa copine et nous, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble. Oh hey, je nous applaudis des deux couilles. Ah oh, ouais. Oui, bravo. Ça, c'est les couilles de Polo. Et ouais, non mais c'est bien, écoute tant mieux. Et en tout cas, c'est gentil d'avoir donné de nouvelles. Parce qu'en général, tout le monde dit ouais, je vous tiens au courant. Hein. On n'a jamais de nouvelles. Donc là, c'est bien, t'as donné des nouvelles, ça fait plaisir. Merci en plus, Laura. Elles sont positives donc. Et en plus, ouais. Merci Laura d'être passée alors. Merci à vous. Bon, je t'en prie. Gros bisous à toi. À bientôt, Laura. Bisous. Salut. Et bonne route à vous deux. Hein. Ciao, Laura. Gauthier. Ouais. On te reprend. T'étais là au début de l'émission là parce que t'étais poisseux. On a essayé de trouver un autre numéro de marabout, mais impossible de mettre la main sur un numéro de marabout qui décroche encore à cette heure-ci. Un vrai poisseux. La vraie galère. T'as vraiment la poisse jusqu'au bout, Gauthier. Ouais. Mais par contre, le téléphone n'a pas coupé, donc c'est le principal. Ouais, c'est bon. Voilà. Attends. Il y a peut-être encore un marabout qu'on peut essayer d'avoir là. Attends, on va essayer, je te promets rien. Mais on va essayer. On va d'abord également prendre Jérémy avec nous là. Salut Jérémy de Blois. Salut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Écoute, tranquille, on est bien. On est à la cool, à 1h15 du mat, pépère, pas de pub pour faire chez le monde. Tranquille. On est bien. T'as pas une idée de nom pour le... Dis-moi Mickaël, j'ai une blague pour toi. Ah, oh là là, vas-y. Qu'est-ce que je trouve dans un trou ? Ouais, on savait déjà là. Qu'est-ce que je trouve dans un trou ? C'est ma bite dans ton cul ? Non, c'est tourné dans mon cul. Ah oui, c'est tourné dans ton cul, oui, exactement, oui, c'est vrai. Elle était pas drôle il y a 150 ans, elle est toujours pas drôle aujourd'hui. Non, ça n'a pas changé. D'ailleurs, tu mérites un coup de pelle. Hop, dans ta gueule, chien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Jérém ? Écoute, je vais larguer mon mec en direct et il y a mon nouveau mec à côté de moi. Oh l'enculé, c'est bon, ça. C'est le dire. Tu vas quitter qui ? Son mec. D'accord. Voilà, il s'appelle comment ton mec ? Franck, et pourquoi tu le vires ? Parce que je me fais chouler avec lui quoi. Oh, ah ouais. Non, mais c'est une bonne raison. Il y a un moment, tu vas pas rester avec lui. Ou pas, quoi. Voilà, non, mais tu l'aimais ou tu l'aimais pas ? J'y mets. Tu l'aimais, mais t'as préféré un autre. C'est scandaleux. Voilà, mais pourquoi tu veux le virer si violemment quand même ? Si violemment, parce que il m'a fait des infidélités déjà. Et D'accord, ok, très bien. Donc c'est un enculé. C'est le cas. J'ai déjà dit, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Exactement. Bon, écoute, on va l'appeler, mais il dort à mon avis à cette heure-ci, non ? Non, il dort. Non, il se fait enculer. Oui, peut-être aussi. C'est tout le mal que je lui souhaite. Hein. Bon, Jérémy ? Ouais. On l'appelle, alors je te laisse faire. Vas-y, et par contre, au pire, tu peux passer pour mon mec ? Je vais laisser Toff faire ça. moi je croyais que Michel il faisait ça, mais. Non. Ouais, non, mais. C'est au pire, on peut faire un truc, c'est que. Voilà, Toff il passe pour mon mec et il y a un autre mec chez moi, comme ça on fait un truc à trois. Avec plaisir. Parfait. Eh ben très bien, on fait ça dans quelques minutes. On va faire le petit bouge pas. Et bonne nouvelle, Gauthier, on a trouvé un marabout là, reste là Gauthier. Hein. Ah, de bonnes nouvelles. Ouais. Attends, parce que ça se trouve la ligne va couper. Hein. Vu la poisse que t'as là, bouge pas Gauthier. Bon alors Jérém, c'est parti, on y va, on appelle le mec maintenant là. Ok, je t'en remercie. On fera d'autres appels encore avec. Attends, je raccroche. C'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour, Jérém? La dernière fois que j'ai fait l'amour, il y a deux jours, avec mon mec. Il y a deux jours, et ton mec est là, mais ça fait. Ton nouveau mec. Mais pourtant, il est à côté de toi, ton nouveau mec. Ouais, mon nouveau mec est à côté de moi, ouais. Et vous avez pas niqué ce soir là? Bah pas encore, Allez, vas-y, à l'antenne, allez. Vas-y, mettez-moi à poil. Bah, on fera d'autres appels puisqu'on s'est rendu compte que l'étude anglaise disait que les couples ne il n'y en a plus qu'un sur sept qui fait encore l'amour. Non, il y en a qu'un sur sept qui ne fait pas l'amour. Il y en a qu'un sur sept qui ne fait plus l'amour, effectivement, tant pour moi. Et donc du coup on appelle des gens pour vérifier comment ça se passe chez eux. Voilà, donc on fera d'autres appels dans quelques minutes. Et c'est parti, Jérém, on appelle ton mec, tu veux larguer en direct. Et donc Toff jouera ton nouveau mec. Et pourquoi ton vrai mec ne joue pas le rôle de ton nouveau mec? Bah si, mais après il jouera après. Ah oui, c'est vrai. Allô? De mon cœur? Oui, Franck, ça va? Ouais, toi? Bah dis-moi, je t'appelle parce que faut que je te parle d'un truc. Bah dis, vas-y. Bah écoute, je suis désolé, mais toi et moi, ça peut plus durer, quoi. Pourquoi? Pourquoi? Bah t'es bon à rien au lit, quoi. Quelle violence. Et moi j'ai trouvé un mec honnêtement qui suçait mieux que toi, donc voilà. Pardon? Bah attends, oui. Je comprends pas là, attends. Comment ça? Je te comprends pas là, attends, je te comprends plus là. Bah écoute, la dernière fois que j'ai fait l'amour avec toi, je me suis emmerdé royalement. Donc hier soir là? Ah non, pas hier soir, là t'as dû tromper de mec, tu devais être trop bourré. Ah non, j'étais pas bourré. C'était avec toi. Moi, non, c'était pas avec toi. C'était pas avec moi, hein. Bah si, attends, j'étais chez toi hier soir. Ah non, c'est pas possible. T'as trompé de personne là. Ah non, mon mec, mon nouveau mec, je suis désolé, je vais te passer mon nouveau mec. Parce que il était bon. Comment ça, t'as un nouveau mec, attends. C'est fini avec cette. Oh là là, bon. Allô? Oui, allô. Allô, c'est qui là? Moi c'est Jean-Claude. Bonjour, moi bon, c'est bon alors Francky. Il paraît que t'es pas doué, que tu sais pas t'y prendre, hein? C'est pas ce qu'il me disait, après il n'y a pas plus. Oui mais c'est parce qu'avant, à ce moment-là, il me connaissait pas, c'est pour ça, hein? Attends, Quoi? Écoute, tu sais pas y faire, c'est pas grave, hein? Ah mais t'en sais rien, tu m'as pas testé et puis je préfère pas, vu ce qu'il m'a raconté, je préfère pas te tester, hein, franchement. Hein, j'ai déjà vu des brels, mais alors toi, ça doit être un level au-dessus, hein. Eh oui, Jean-Claude. Oui, mon loulou. Jean-Claude, attends, est-ce qu'on sort, c'est comme premier, on fait toujours un plan à trois. Ah bah oui, oh là là. Je vais te passer mon copain. Ah, j'ai la rondelle qui chauffe. Eh bah vas-y. Attends, mais... Oh, Jérém, t'es chez toi, là? Attends, on va te passer le troisième. C'est qui? C'est le mec qui est avec toi, là? Bah oui, il me croit pas, là, que je dégage, là. Je suis où là? C'est un peu de radio? Mais non! Je suis où là? C'est avec un copain à moi! Oh, le nouveau qui a rien compris, le nouveau mec il a rien compris! Oh, qu'il est mort! Non mais l'autre là, c'est le fameux. Ouais d'accord, ok. C'est toi là, le pote acteur. De. Mais ce pote qui est pas capable de baiser avec mon mec! Hein? Mais t'es qui toi là maintenant là? Je suis qui moi? Ouais, t'es qui? Attends, tout à l'heure j'ai eu un certain Jean-Claude, maintenant je sais pas qui. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Bah oui, c'est un certain Jean-Claude, c'est normal. Parce que t'es pas capable de faire des choses avec mon mec, donc logique, hein. Inquiète-toi, parce que moi je suis content maintenant, parce que toi, le mec, là, je viens de le connaître, là. Je suis content, mais en tout cas, je baisse mieux que toi, il paraît. Ouais, au moins, il s'ennuie pas avec moi au lit. Mais il s'ennuie pas au moins avec moi au lit. C'est bien. Non? Pourtant, moi, il disait que c'était bien avec moi. Attends, après 2 ans de relation, attends... Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ah, tu lui as dit que c'était bien avec lui? Non, après 2 ans de relation. Je me foutais de ta gueule, je suis mulé avec lui. Ah, donc en fin de compte, tu es tout, et c'est mulé, toi. Avec toi, c'est bien mieux, mon chou, moi. Bah, je te remercie, bébé. C'est cool, c'est sympa. Tiens, je te vois pas, c'est apparemment, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir de problème, moi. Allô? Ouais, attends, tu me fais quoi, là? Attends. Bah, je te fais quoi, mon gars, je te largue en direct, mon petit gars, on est sur Fun Radio, je te largue en direct. Attends, mais ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on a prévu des trucs, comment tu peux me faire ça? C'est pas un canular parce qu'il m'a ras-le-bol de toi. Mais je m'en fous de toi, maintenant je m'en fous de toi, j'ai trouvé mieux que toi. J'ai trouvé mieux que toi, un mec qui il m'a porté bonheur. Il est violent quand même là, quel enfoiré quand même, ça se fait pas. Et de l'amour aussi. Oh, c'est quand même violent, hein. Il lui a offert son trou de balle pendant Jérém, des années comme ça. C'est ça, Jérém, c'est quand même violent gratuitement quand ouais. même. Pourquoi c'est trop violent, moi. Bah oui, ouais, c'est violent. Ouais, ça se fait pas. Imagine t'aurais été à sa place. Mais c'est pas de la sincérité. Bah oui, mais imagine t'aurais été à sa place. C'est chaud. Franck, t'es là? Oui, je suis là. Bon, il paraît que t'as été infidèle. Ah bon? Bah il paraît, c'est ce que Jérém nous a dit. Je m'en rappelle pas en tout cas. Ah bon, bah très bien. Mais tu t'étais peut-être bourré. Ouais, t'étais peut-être bourré ou tu fumes ou quoi, non? Un peu des deux. Ah d'accord, ah, c'est peut-être ça alors. Ouais, alors il y a peut-être de ça. Mais franchement, la fumette c'est rare et l'alcool, déjà quand j'en bois c'est en soirée. D'accord, mais t'es en soirée là ou pas? Je rentre de soirée. Ah là, ça s'entend. D'accord, très bien. Bon bah voilà, bah écoute, c'était fini, hein, donc il voulait te le dire. Il était un petit peu rustre, mais le message est passé je pense. Le message, franchement, là... Bah, le message, il est passé. T'as compris pourquoi désolé, il t'appelait. Franck, hein. Désolé, Franck. Je vais me larguer pour un autre, mais... Voilà. Ça pour deux autres. Deux autres. Ah, perdu, dis donc, oui. Tu dis que moi, je t'ai trompé. Tu dis que, voilà, quoi, attends. Bah, voilà. Bon, bah, écoute, Franck. Ouais. Bah, je vais te repasser Jean-Claude. Il avait l'air intéressé par toi. Mais oui, je vais le ramener. Voilà. Et éventuellement, je vais lui faire le conduit. Bon, reste au standard, on va t'expliquer aux antennes des fois que t'es pas tout compris, Franck. Bon, Jérém. Ouais. Ça a été un peu violent quand même, c'était gratuit, hein. La sincérité paye toujours. Oui, mais c'était gratuit quand même. Bon, bah, Jérém, voilà, le boulot est fait. Maintenant, tu peux vivre ta vie d'amoureux avec ton nouvel amoureux. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Bon, allez, vas-y, mais à une seule personne, vas-y. Et cette personne, eh ben, Amadi, Moustique. Non, mais qu'est-ce que t'as pas compris, oh Jérém, dans une seule personne? C'est dingue, ça, quand même. C'est incroyable, bah, hein, Jérém. Ok, bah, une seule personne à toutes les personnes de blanc, alors. Voilà, tu vois quand tu veux. Bon, salut, Jérém, passe une bonne soirée. Est-ce que c'est possible, juste? Est-ce que c'est possible d'avoir un pack fan? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, standard, t'inquiète. Ok, je te remercie. Ça marche, salut, Jérém, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. On va prendre Loïc dans quelques minutes également. Salut, Loïc. Salut. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Ça va, la forme. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, Loïc? J'arrive pas à trouver de meuf parce que je suis trop dans le sport. T'es trop dans le sport, d'accord, ok. Ouais. Bon, alors, bah, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes, d'accord? T'as pas deux, trois pompes à faire là pendant la course? Oui, c'est ça, fait des pompes, ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Loïc. Et puis on a des histoires avec le marabout, avec Gauthier dans quelques minutes, on va l'appeler et on va aussi se faire quelques appels avec Toff là dans quelques minutes. Hein. Mais avec plaisir. Et bah voilà, juste après le son de Jason Derulo qu'on écoute maintenant. Il est 1h25 sur Fun. Jason Derulo, c'est Dirty Talk. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit, 23h, 2h tous les soirs sur Fun. Jason Derulo à l'instant sur Fun Radio, Dirty Talk. Il y a Ariel qui a envoyé un message qui dit gros connard. Ah, c'est Jérémy pardon qui dit qu'il est comme un gros connard. Stéphanie qui dit oh la violence de Jérémy. T'es bon à rien au lit, j'ai trouvé un mec qui suçait mieux que toi, la pauvre Franck. Et elle dit aussi Polo pourrait se faire passer pour son mec vu qu'il a fait son coming out. Oui, oh. C'est vrai qu'il a fait son coming out puisque je rappelle que il a rencontré une certaine Stéphane. Ouais, c'est une fille, voilà. Elle s'appelle oui, Stéphane. Bien ça sûr. Arrive. Il y a Robin qui dit oui donc c'est un enculé plié. Le prince qui dit oh l'enculé, c'est le cas de le dire. Bravo Mickaël. Bah oui. Tony Portugal qui dit aussi nom du chien, il est bidon. Oui, il est bichon. Ouais, non, ça a moyen, Tony. Hein. Message de bienvenue, s'il te plaît. Bah, bien sûr. Bah, t'es enculé déjà. Bah, voilà, on en parlait. Arnaud qui dit moi, je vous écoute de San Francisco. Oh putain, arrêtez de nous foutre la rage comme ça là. Il a pas un qui est au Nolulu là, tant qu'on y est. Hein. Ah, bah, Gaëtan qui enchaîne. Il y a un petit coucou de New York. Ça fait 2 mois que je vous écoute tous les soirs en travaillant. J'en peux plus, vous me tuez. Ah, bah, putain, quelle bande d'enfoirés là aussi. Il est à New York, il est bien là, tranquille. Sarah aussi qui dit un peu bizarre son histoire. Il trouve pas de neuf à cause du sport, mort de rire. Même si quelqu'un fait du sport, il en trouvera une malgré sa passion. Bah, ça dépend, il y en a qui sont vraiment à fond. Hein. J-1 qui dit aussi le nom du chien c'est Isco. Il y a Andrada aussi, un nom de chien aussi c'est IQ par exemple. Ah ouais, IQ c'est bien ça, IQ. IQ IQ. IQ. IQ quoi, tout simplement. Il y a Teddy qui dit sa chienne je l'appellerai Toff. Mais non, il faut impérativement un nom qui commence par un I puisque c'est l'année du I. Ah, eh ben DJ Rome, vous avez trouvé. Ah, dis-moi. Appelle ta chienne éjaculation. Eh bah bien sûr. Bah ouais, ah, ça s'appelle bon éjaculation. Ah, oui. Ah, mes parents vont être ravis. Ah bah grave. Et Angelina qui dit je vous accuse de nous rendre accro à votre émission. Oh mais c'est à cause de Toff ça Angelina. Ouais. Hein, je suis amoureux. Ça, et Dédé qui dit pour la chienne de Sandro j'opterai pour Yelena. Si elle est de couleur blonde. Ah non pas du tout non. Non vraiment pas. Et Indy également on dit. Ah bah oui tiens. Indy ouais j'avais j'avais noté ce prénom. Ouais. Indienne, Indy c'est pas mal. Ou India, ouais. Un coucou de la Roche, de la Rochelle également plus banal c'est Adeline. Ah, oui. Qui envoyer le message. Oui, ah bah oui, là, évidemment, par rapport à New York, San Francisco, Philly, enfin, Philadelphie, bah, c'est sûr que La Rochelle, c'est moins. Enfin, c'est moins, quoi. Ouais, c'est un peu moins, quoi. Bon, enfin, bon, pas très grave. Bon, allez, balancez tous vos messages encore. Hashtag Mickaël sur le Twitter, vous balancez tous vos messages. Ajoutez-moi également, hein, je vous ajouterai également. Donc, si vous me suivez sur Twitter, eh bien, je vous suivrai à mon tour. Vous tapez M-I-K-L underscore, c'est le petit tiré en bas, officiel. M-I-K-L officiel. Je vous cale, on l'avait demandé aussi le son de Linkin Park avec Steve Aoki, ce sera A Lie That Never Come. Et puis on va enfin se refaire quelques appels avec Toff là. Hein. Mais allons-y. Allez, puisque je rappelle que un couple sur sept ne fait plus l'amour. Mais ça c'est dramatique. C'est une étude anglaise qui a donné cette information là. Et donc on appelle des gens un peu partout pour voir comment ça se passe chez eux. Oui, parce que ouais. Moi je suis très triste. Bah oui, c'est ça. Ça. Bah c'est ça, c'est un drame. 1 sur 7. On y va, on appelle à 1h30 du mat. C'est dur. Bah oui, c'est assez dur, effectivement. Bon allez, c'est parti. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois? Qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Bah, c'est pour savoir, madame. Ah, elle avait l'air très sympa. On n'était pas dans le nord en revanche, mais elle avait l'air sympa. On quand est même. Dans le sud là. Ouais, c'est le connard que t'as reconnu, qu'on reconnaît comme ça, ce petit accent. Bon, on rappelle. Allez. Oui, allô. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Tu m'emmerdes, va faire chier quelqu'un d'autre. Mais enfin, vous pourriez répondre à ma question, madame. Une merde, je vous dis. Allez, allez, va le demander à ta mère, parce qu'elle a fait l'amour pour la dernière fois, connard. Non, enfin, mais oh, ça veut dire quoi, ça? Mais, enfin, c'est pour savoir, madame, c'est juste une question. Une merde. Comment ça, une merde? Merde. Non, merde, bah, c'est une merde. Je suis une merde. Mais tu es une merde. Bon, avant de faire d'autres appels, je rappelle que si vous avez des numéros de téléphone à proposer, bah, ils sont les bienvenus. Hein. Vous envoyez les numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci, ou en tout cas de boutard, et qui sont plutôt du style à s'énerver rapidement, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Gauthier. Ah ouais, je suis là. Ah, très bien. On a Aurélie avec nous, 29 ans de Paris, là. Ça va, Aurélie? Oui, ça va très bien. Bon, tant mieux. Alors Aurélie, c'est toi qui connais un marabout, toi, ou t'es marabout? Je suis marabout. Non, non. Tu vois, Gauthier, on a de la chance. Est-ce qu'on peut voir si le marabout est bonne? J'ai jamais entendu un marabout qui s'appelle Gauthier, moi. Ben non, c'est normal, elle s'appelle Aurélie, elle. Ah, j'ai rien dit alors. J'ai entendu Gauthier, je devais. Ah, Gauthier, c'est lui qui a le poisse. Ah! Mais oui. Aurélie, t'es un marabout? Ouais, oui. Aurélie est marabout. Mais t'es déjà passé en tête, Aurélie, non? Ah, il me semblait, autant pour moi. Bon, alors Aurélie. Combien mesures-tu? T'appelles Fatou. Je mesure 1m53. Combien pèses-tu? Je pèse 50 kilos. Quel est ton poids de poitrine? Va te faire enculer, gros bâtard. 75C, oui, quand même. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Non, ta mère, c'est quoi la dernière fois qu'elle a baisé? 36, ah oui, c'est pas mal. Hein. Attends, parce que du moi, coup, je veux bien j'ai pas me faire marabouter. Non, ne mettez pas ça. Respectez le marabout, il fait nous en j'ai pas la musique. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, alors. Du coup, marabout. Alors, quelle formation as-tu suivi, hein? Bon, surtout, qu'est-ce que... formation. Bah, il faut savoir si c'est un bon marabout. Mais oui, t'inquiète. Est-ce que tu as un BEP marabout? Faut pas rire avec ces choses-là. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive... Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Voilà. Allô? Tu disais? Oui, j'ai suivi que sa table de mixage, elle a brûlé. Un appartement, pareil. Oui. J'ai bien suivi, hein. Oui, oui, non, mais ça, on n'en doute pas un instant que t'es bien suivi. Mais, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que tu peux faire pour lui, là? Est-ce qu'il faut le... Comment est-ce qu'on peut faire pour le démaraboutiser? Là, il habite dans un appartement. Allô? Gauthier? Oui. Là, t'as un appartement? T'es en appart, là? Ouais, en attendant, ouais. Ah ben, ce que tu peux faire, c'est aller chercher de l'eau de merde. De l'eau de merde? Oui, de l'eau de mer. Ah, de mer, d'accord, ok. Oui, de l'eau de mer et nettoyer chez toi. Rigolez pas, c'est pas drôle, c'est dangereux. Et tu fais quoi avec l'eau? Nettoyer tout son appart avec. Avec l'eau de mer. On peut pas nettoyer avec de l'eau normale? Non, on peut pas. Faut du gros sel, c'est pour ça. Ah putain, mais t'es où? T'es à Rodez? Oui, en Aveyron, puis en plus, y'a pas la mer là. De la mer, vraiment. Ah bah non, y'a pas la mer. Bah il peut acheter du gros sel sinon au marché. Oui, il peut acheter du gros sel, oui, et le mettre dans de l'eau. Au pire, j'ai de l'eau du lac, mais bon, ça... Bah voilà, tu mets du gros, tu prends l'eau du lac et tu mets du gros sel dedans. Ouais, ouais. Voilà. Mais il y a déjà du gros sel, normalement. Non, pas dans un lac, c'est l'eau de la mer. Hein. Dans le lac, t'as pas de voilà. Oui, mais dans ce cas-là, autant qu'il aille acheter du gros sel directement, il le mélange dans de l'eau du robinet. Ouais, bon, alors, imaginons qu'on ait de l'eau de mer. Ouais. De l'eau de mer, ben, il nettoie tout son appartement avec. Avec de l'eau de mer. Mais oui, s'il va chercher de l'eau chez sa mère, est-ce que ça marche aussi? Oh, ta gueule, Toff. Ferme ta gueule, ferme la branleur. Non, ça marche pas. Il a raison. Bon. Et donc et, Il doit juste laver l'appartement et il aura plus de chance. Non. Quand il a lavé tout désinfecté son appartement, tout son appartement, il allume de l'encens. Ah, de l'encens. Un soir, il allume une bougie. Il allume une bougie. Une bougie blanche, et le vendredi, il allume une bougie verte. Et ça, il aura plus de chance. Il courait dans l'herbe ou pas? Oh une bougie verte. Oh, ouais, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Bon, donc du coup, il faut allumer la bougie, quoi. Oui, une bougie verte le vendredi. Il aura plus de chance. Ah, une bougie verte? Ouais. Oui. Ça dépend des couleurs. Ah, bah, il faut la trouver, la bougie verte, déjà. Hein. C'est pas facile à trouver, une bougie verte. Parce qu'il y a des semaines, il y a des jours, ça dépend des couleurs. Ah bon, donc le vendredi, c'est vert? Oui. D'accord, ok. Est-ce que t'as noté tout ça, Gauthier, là? Ouais, j'ai noté, ouais. Bon, très bien. Attends, tu veux quand même qu'on appelle un autre marabout aussi pour avoir un deuxième avis? Ouais, bah ouais, pour voir. Bon, écoute, alors bouge pas, Aurélie, hein. Oui, je bouge pas. Bon, de toute façon, ça va pas décrocher, on a l'habitude, mais c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. C'est le nom du marabout, là? Ouais. Bon, on l'appelle Monsieur Bas. Bah quoi, ça lui fait la promotion. Bah, parce qu'il y a des hauts et des bas. Voilà. L'autre merde. Oui, allô? Oui. Oui, c'est le marabout? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle, j'ai vu votre numéro de téléphone là sur un petit prospectus. Je vous appelle pour savoir si vous pouviez éventuellement me donner un petit quelques conseils parce que j'ai vraiment pas de chance. Ma maison a brûlé il y a 2 semaines et la semaine dernière je faisais une soirée parce que je suis DJ, ma table de mixage a brûlé aussi et j'ai peur que j'enchaîne encore d'autres problèmes. Mmh. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que j'ai appelé un autre marabout, hein, vous êtes le deuxième, je vous le dis tout de suite. Et le premier m'a dit qu'il fallait que je nettoie avec des nettoie mon appartement avec de l'eau de mer et que je mette une bougie verte le vendredi. Est-ce ça, que ça c'est suit ça, l'autre ça, marabout, ça, c'est dans le téléphone. Ça vous paraît bon ou pas? Ben, vous êtes à Vito. Comment vous dites? Vous êtes à Vito. Bon, je suis à Rodez, dans l'Aveyron. Ah ouais, que votre maison a été brûlée. Comment? Vous avez dit votre maison a été brûlée, ça fait 2 semaines. Je crois qu'il dormait, oui, en fait. Oui, c'est ça, oui. Ah. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'était il y a 2 semaines. Ok, d'accord. Bah là, j'ai en train de faire le travail avec quelqu'un, là. Ah, vous travaillez avec quelqu'un? Ouais, parce que tu sais, je travaille toute la nuit, je ne dois pas, je vais commencer à dormir. Ah, vous êtes de garde? Voilà, je vais commencer à dormir à 7 heures du matin. Ouais. J'ai en train de faire le travail là. Ouais. Est-ce que c'est possible? Tu m'en rappelles demain si c'est possible? Oui, bah c'est possible. Est-ce que je peux vous appeler parce que je travaille aussi vers 23h? Hein? À quelle heure je peux vous appeler? J'ai dit, est-ce que tu peux me rappeler demain? Oui, demain, mais vers quelle heure? Bah, demain vers le soir, ok? Oui, vers le soir. Ah bah, je vous appellerai vers le soir. Merci. Ok, d'accord. Merci à vous, hein. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Oh, il a failli. Il a failli travailler. C'est pas vrai. Il était en train de ronfler. Il failli dormir. Oui. Il avait la flemme. C'était très clair. Bon, Gauthier. Alors, je propose qu'on rappelle demain vers le soir. Ouais. Si ça va pour toi. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, on va essayer de trouver une solution. Ouais. En tout cas, Aurélie a déjà donné ses indications. Donc ça, c'est bien. Merci beaucoup, Aurélie. Oui, de rien. Il veut d'autres conseils. Je peux les donner. Hein. Ah bah, éventuellement, ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme autre conseil? Quand il dort, il dort en blanc. Ah, il dort quand en blanc. Dort, oui, le soir. C'est-à-dire qu'il doit se branler et... Non. Surtout pas. Il dort en blanc, ça porte plus de chance. Ah bon? D'accord. Et sur lui, il porte du basilic, sur lui. Ah, du basilic? Du basilic et des noix. Mais les noix, il les met où? Dans sa porte. Dans sa poche. Ah, dans sa poche. Mais oui. Parce que et ça protège. Du basilic, la fleur que tu mets sur la tomate mozza par exemple. Oui, voilà. Ah, tu mets de la basilic. D'accord. Oui. Ok. Et ça te protège. Bah ça va, ça protège. Tu vas à Carrefour, t'en achètes, c'est pas ça. Ah, oui. Ça protège. Non, mais ça protège quand t'es dans la rue. Est-ce qu'on met de l'ail ou pas? Mais rigolez pas. Oui. On met de l'ail dans la cuisine. Ah, mais dans la cuisine, l'ail. faut rien oublier, Aurélie aussi. Hein. Si t'oublies. Non. Ouais, là, après, l'assaisonnement est raté. Sel, bois, vinaigrette et puis roule ma poule. Et hop, voilà, non, c'est non. ça. Non, mais c'est. faut qu'il fasse ça. D'accord, et après, okay. Il va voir que ça va changer pour lui. Bon, bah écoute, et Gauthier, il reste plus qu'à faire ça. Et puis nous, de toute façon, on va essayer de rappeler monsieur Bas là, demain hein, ouais. pour avoir une séance. Et je voulais juste dire à Gauthier, si les gens te regardent bizarrement demain dans les transports en commun, c'est normal, c'est l'odeur. Oui, c'est l'odeur. Mais enfin bon, après, au moins il aura plus de chance. Ce soir, il se lave bien, il dort. Oui, ah bah très bien. Donc t'as compris Gauthier parce que je sentais une petite odeur comme un peu ça, il va bien dormir ce soir. D'accord, ok. Bah, il va rien bien. Lui arriver. Hein. Non, bah, j'espère bien. Il peut être tranquille, il va rien lui arriver. Parce D'accord. que moi je vois même les cartes, il va rien lui arriver. Bon bah écoute, merci beaucoup. Ça nous intéresse. Ah, il va cartes. Rien lui arriver. Ah, tu fais des cartes aussi? Oui. Non. Et qu'est-ce que tu vois pour Toff? Non. Tu peux regarder pour Toff. Pour Toff, je vois une nouvelle fiancée. Non. Et puis je vois un voyage loin. Où ça? Je sais pas, mais je vois un voyage loin, mais pas ici, mais loin. Ah bah oui, ouais, forcément. Bah oui, si ouais. va loin, ouais, ce sera pas là. Mais genre quand? Mais là ou là? Bientôt. Ah bon? C'est vrai? Il va où? Oui. Et il va où? Tu sais mais pas où il va? Pas où, mais, non, je sais pas où, mais bientôt. C'est où? C'est un pays chaud, c'est un pays froid? Mais est-ce que c'est un pays chaud. Un pays chaud? Mais est-ce que c'est... Vers les vacances de Noël? Est-ce que... Ouais, vers les vacances de Noël? Oui, vers les vacances de Noël. Parce que cet enculé, il a dit qu'il partait pas parce qu'il est pas rond. Bah, oui, vers les vacances de Noël. Il vous a 40 pour pas venir avec vous. Ah, y a des il gens, va se rencontrer avec sa meuf. Non. Peut-être qu'on va m'inviter. Ça, ce serait beau. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on connaît, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que tu vois pour moi, Polo? Non, attends, on n'a pas fini sur toi. Ah, qu'est-ce que tu vois d'autre, hormis les vacances? Je vois une carrière prometteuse. Ah, une carrière prometteuse. Bravo, oui. Toff. C'est là qu'on voit, Aurélie, que t'es pas bonne. Hein, non, il y a toujours quelques failles. Donc, en fait, je pars pas au voyage au soleil non plus, quoi. Voilà. Ah bon. Si, d'accord, ok. Et en plus de ça, est-ce qu'il va se marier? Non, je vois pas de mariage. Ah, pas de mariage. Des enfants, un chien, non? Un chien, oui. Un chien. Oui. Mais est-ce que tu vois le chien de Sandro ou ça va être son chien à lui? Ça va être son chien à lui. Ah, il va avoir un chien. Tu es sûr qu'on parle pas d'une chienne? Non, un chien. Ah, bon. Un chien. Et des enfants? Non, des enfants, non, oh, pas Dieu, pour merci, le moment. Dieu. Ah, mais donc il aura un jour? Oui, un jour il aura des enfants. Il aura deux enfants. Ah, deux enfants? Oh là, oui, une fille et un garçon. Oh là là. Ah, une fille et un garçon. Alors, est-ce que tu penses, parce que, bon, même lui, il ne le sait pas, mais est-ce que tu penses qu'il aurait déjà éventuellement une chier d'enfant derrière lui? Oui. Non. en chiffres, ça fait combien? Oh, c'est est-ce bon, qu'il ça doit se laver avec de l'eau de merde? Oui. Non, mais, donc, il a déjà des gosses, mais il le sait pas? Non. Non, quoi? Non, il a pas de gosses ou non, il le sait pas? Oui, oui. Non, il le sait pas. Ah, mais il a des d'accord. moutards. Hein? Mais il a des moutards. Oui, il a des moutards. Oh oui. L'enculé. Oh attends, l'enculé. Je sais pas. Ouais, ah bah enfin bon, tu les as fait à un moment, hein. Ah oui, mais enfin bon. Merde. J'ai fait dans plusieurs meufs, hein. Merde. Attendez. Attendez. Personnage. Toff est père. Ah, si on se fie à ce qu'Aurélie vient de dire. Enfin, si on se fie à ce qu'elle vient de dire, j'aurai une carrière prometteuse, hein, donc. Bah oui, mais ça on verra. On sait pas. Ça on verra. On peut pas savoir à l'avance. Alors il va en vacances avec une meuf. Voilà. Alors attention, si c'est pas vous qui partez en vacances avec Toff, c'est qu'il se fout de votre gueule et qu'il en a une autre. Attention, enfin, oui, ça on le sait déjà. Il va vous laver avec de l'eau de merde. Oui, de merde, exactement. Oui. Bon, et eh ben merci. Et Aurélie, pour Polo, tu vois quoi? Pour rien. Qu'est-ce que vous voulez me demander? Vous voulez me demander quoi? Est-ce qu'il va sortir avec quelqu'un, là, garçon ou fille? Oui, il va sortir avec une fille. Ouais. Mais est-ce qu'elle a un nom de garçon? Non. Ah, non. Ah, tu as le prénom? Ça commence par un R. Un R. René. Robert. Roberta. Un R. Un R. Oui, avec un R, ça commence. D'accord, ok. Et sa carrière est prometteuse ou pas? Sa carrière, elle est bien. Elle est pas mal. Ah, et si je vais être riche? Allez, achète ta Porsche, mec. Vas-y, prends ça. Est-ce que Polo va avoir sa Porsche? Oui. Ça c'est bon ça. Je vais me laver avec de l'eau de merde et je vais me mettre voilà. des glaïs sur la tête. Mais en fait j'ai le problème avec Aurélie, c'est qu'elle annonce que des bonnes nouvelles. Ouais, c'est cool. Et qu'est-ce qui va m'arriver à moi, Aurélie? Tu vas mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Hein. Ah bon? Vous avez toute la vie devant vous. Hein. Oui, ah, bah, c'est ouf. Sûr, mais. Mais sur combien de temps? Ouais, et moi Aurélie, là, comment ça va toute se la passer? Vie. Vous avez toute la vie devant vous. Bah toi ta carrière va s'arrêter. Moi ma carrière? Non, moi. Ah non, elle va pas s'arrêter ta carrière, non. Ah, va pas s'arrêter, d'accord, ok, très bien. Bon. C'est pour moi? Bon, et pourtant non plus. Et bah personne, bah c'est génial. C'est génial. C'est comme ça, c'est magnifique. Et l'émission quand même. Ouais, et l'émission, elle va rester là longtemps ou pas? Oui, l'émission elle va rester longtemps. Mais sur Fun? Oui, sur Fun Radio. Oui. Ah, sur Fun Radio, d'accord, ok. Très bien. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Toi, tu vas être poisseux, Gauthier, fais pas chier. Non, non, pour Gauthier, ça va aller. Hein. Mais il n'aura plus de problème, il n'aura plus rien. Ouais, si tu suis mes conseils, si il n'aura plus de problème. Voilà, c'est ça. Si tu suis mes conseils, il n'aura plus de problème. Exactement. Il n'aura plus rien. Bon, bah, et tout ira bien pour lui. Eh ben, merci beaucoup, Aurélie. Non, de rien. Eh ben, voilà, et, on... pour Sandro, vous voulez demander quelque chose? Ouais, mais je vais te demander en antenne. Oh là là. Non, c'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ouais. D'accord. Voilà, très bien. Bon, salut Aurélie, gros bisous. Salut, gros bisous. Allez, à bientôt. Et Gauthier, bah écoute, on te reprend demain alors. On te reprend demain pour appeler Monsieur Bas. Ok, mais je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, ouais. Allô? À une seule personne, tu peux y aller, vas-y, vas-y. Ouais, mais je regroupe toutes les personnes qui m'ont reconnu et avec mes amis avec qui je suis. D'accord, message passé, pas de problème. Salut okay. À toi, à bientôt. Ciao. Salut Gauthier. Et puis on va récupérer Loïc dans quelques minutes. Et puis bah 1h45, on va encore se faire quelques appels avec Tof dans quelques minutes aussi. Et puis bah bientôt 2h, bientôt la fin d'émission. On est toujours là en direct avec vous toutes et vous tous avec plein de messages. Le prince Nia qui dit le marabout est de garde comme un médecin, j'adore, trop bon Mickaël. Il y a Théa Pauline qui dit découvert de votre émission cette nuit, trop drôle. Bah bienvenue à toi Apolline. Angina qui dit Mickaël en top tweet number one. Merci Angelina. Et Teddy qui dit de l'eau chez sa mère, je suis plié, let's be free, il est excès de mollesse pour Gauthier. Ouais mais il a pas de chance le pauvre. Et Antoine qui dit je vous écoute de Valence en Espagne, vous êtes géniaux, continuez comme ça. Et Intermarché pour le nom du chien. Ah bah oui Intermarché. Attends, c'est bien. C'est ma séance de voyance là. Je oh là là, ça y est, c'est parti. C'est parti, mais c'est bien Intermarché. Et encore Angelina qui dit mort de rire, étoffe. Etoff, c'est un marabite. C'est vrai. Exactement, ouais. C'est une maraverde, je dirais plutôt, ouais, même. Bon, vous l'aviez demandé tout à l'heure là. C'est le chéri, je peux te faire cocu, l'auditeur, je sais plus comment il s'appelait, qui avait demandé le son Linkin Park avec Steve Aoki. On se le met maintenant, A Light That Never Comes sur Fun Radio. Linkin Park et Steve Aoki sur Fun Radio avec A Light That Never Comes. Il y a Chang qui dit aussi bonjour du Japon. Non mais vous êtes sérieux, vous allez pas nous faire le tour de la Terre là quand même. Alors que nous on est là, putain, on aimerait bien aussi faire le tour là. Il y a Nushka également qui dit Inka ou Indira pour la chaîne de Sandro. Et alors Andrada qui dit j'ai trouvé un autre email ou iFluo. Bon, c'est pas mal. Non, c'est nul. Email, c'est bien email. Ouais, email c'est nul. Oh si, c'est drôle, arrête un peu ton cinéma. Ouais, non, email revient dans ta boîte. Ah oui, c'est pas mal ça. Email va dans ta boîte. Ouais, c'est une idée. Voilà, c'est une idée. Bon, on va faire encore quelques appels hein, pour terminer quand même. Hein. Mais oui, allons-y. Bah ouais, allez hop, parce que des numéros, on en a encore. Donc on y va, on appelle, puisque je rappelle que nous sommes tombés sur un. Une étude plutôt qui disait que un couple sur 7 ne faisait plus l'amour. C'est une étude anglaise. Oui, et je trouve ça scandaleux. Bah oui, ça fait beaucoup quand même hein, du coup. Et donc on appelle des gens pour voir si chez eux comment ça se passe en gros. Hein, donc on y retourne, c'est parti. Enfin pour le moment on n'en sait rien. Pour l'instant on ne sait pas. Ouais. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois. Ça a le mérite d'être clair. On a bien entendu le raccrocher sur la gueule, là. Ouais, je pense que je lui ai fait peur. Oui, on rappelle. Ferme ta gueule, je t'emmerde, branleur. C'était moi, ça. Allô. Oui, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, nous avons été coupés. Oui. Oui, c'est voilà. Une blague ou quoi, là? Non, c'est pas une blague, en fait. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois. Okay. Bon, faut arrêter d'appeler maintenant, merci. Bah oui, mais il faut répondre à la question avant. Ah non, il veut pas répondre à la question a priori, on va le rappeler encore un coup. Ah oui, ça se fait pas. Bah oui, c'est même très impoli. Allô. Oui, excusez-moi, mais vous avez ça oublié... suffit, là, oh. Oui, vous avez pas répondu. Arrête. Mais oui, vous avez pas. Arrête. Vous avez pas répondu à la question, monsieur. Non, mais allez, c'est bon, on a compris, c'est marrant, deux secondes, là. Ça suffit. Bah, oui, mais faut répondre à la ça question. Ça suffit, c'est bon, fais pas chier, là. Allez. Mais je fais pas chier, monsieur, répondre à la question. Ah non, il a pas voulu. Bon, c'est pas grave, on l'offre encore un petit. Il a dit ça suffit, hein. Ah, il a dit ça suffit, on l'offre encore un petit avant de partir, là. Bon, Loïc est avec nous, là. Allô, Loïc. Ouais, salut. Ça salut. Va Ça va, toujours depuis 5 minutes, ouais. Bah, depuis 5 minutes, écoute, tant mieux, alors. Bon, bah, bienvenue, Loïc. Qu'est-ce qui t'amène, dis-moi. Voilà, en fait, moi, je suis beaucoup dans le sport. C'est-à-dire que bah, je fais deux sports vrai, en même temps, je fais du vrai. Foot et du hand. Ouais. Et donc ça me prend le trois quarts de ma semaine pratiquement. Ouais. Et je galère un peu à trouver des meufs parce que je suis constamment à l'entraînement, au match. J'ai pratiquement pas de week-end parce que le week-end, le samedi, dimanche, j'ai les matchs. Ouais. Donc c'est un peu chaud de trouver des meufs à cause de ça, quoi. D'accord, bah oui, bien sûr. Il y a forcément le look qui va avec, donc je suis souvent survêt. Et alors, tu sais qu'il y a des meufs, elles kiffent. Hein. Et t'as toujours un ballon dans la main. C'est ça. Ouais, c'est ça presque. Hein. Puis je parle que de ça, quoi, pratiquement. Mais c'est vraiment mon sujet de discussion principale. Mais c'est le quoi, handball c'est le handball? Ouais. Mais pourquoi le handball? C'est un peu chelou. Ah, c'est mortel. Ah, je sais pas, j'ai grandi dedans, quoi. J'en fais depuis j'ai 5 ans, donc. Ah, oui, d'accord, ok. J'en ai fait du handball, moi. Ah, oui, bah ça se voit pas. Si, ça se voit dans cette gueule, elle a reçu plusieurs fois. Elle était goal. Voilà, c'est ça, elle était goal. Mais t'essayes pas d'un peu. Même de t'ouvrir un peu, tu vois, d'essayer d'avoir d'autres centres d'intérêt? D'ouvrir tes chakras? Ouais. Bah si, mais bah, ça revient toujours au même, quoi. Je vais toujours trouver un sujet de discussion qui aura un rapport avec le sport. Enfin, vraiment, c'est je parle que de ça, en fait. Tu vois, non, mais d'accord, ça. Non, mais d'accord, mais après, il faut essayer de t'intéresser à autre chose. Regarde, moi, j'adore les avions, j'adore la radio, j'adore les vacances, mais j'essaie de parler de pas toujours parler de ça. Déjà, j'essaie d'avoir au moins 3 sujets de discussion, tu vois, ça permet au moins de varier un petit peu. Mais si tu ne parles que de handball, qui plus est, qui n'est pas non plus le sport le plus répandu, encore tu parlerais de foot. Bon, c'est chiant aussi. Ah, mais il y a foot avec, hein. Le foot avec, hein. Attention, il y a le foot aussi. Hein. Ah, il y a le foot aussi. Ah bah tu vois déjà. Ah oui, je fais du foot en même temps. Ah d'accord, ok. Ah bah tu fais le foot et le hand. Voilà. D'accord, ok. Et rien d'autre? Non. Non. C'est ça. Bah, il faut que tu t'intéresses à elle et que tu partes sur ses sujets de conversation à elle. Ouais, maquillage, coiffage, oui, bon, quoi. Des trucs de meuf quoi. Après, ça reste les sujets de discussion de femmes donc. Et alors? Bah écoute. Un peu des deux quoi, un peu des tiens, un peu des siens. Mais il faut. Bah c'est ça, maman, il faut que tu t'intéresses aussi, hein. Ouais. Bah la meuf elle va pas arriver chez toi, elle va parler que de toi. Tu sais, genre, c'est vraiment un truc qui peut m'énerver ça. C'est ça, t'arrives chez quelqu'un qui ne parle que de lui. Ouais. Tout le temps, il ne parle que de lui ou que d'elle, quoi. C'est casse-couille. Ouais, et puis. Et moi, et encore moi, on s'en bat les couilles, c'est bon, tu racontes un peu ta vie, tu laisses la place aux autres, et puis voilà. Et moi. Non mais c'est vrai. Ouais, moi c'est pareil, je sais toujours parler de Jacques Facial et sodomie et ça marche jamais, quoi. Eh oui, t'as vu, hein. Il y a Guillaume qui dit, tiens, on peut l'appeler aussi, il se masturbe. Arrêtez avec vos saloperies. Il masturbe Toff pour le prénom du chien Sandro. Non, j'ai pas envie de penser à Toff tous les jours quand j'appelle mon chien. Bon, il y a Stéphanie qui proposait, je vous écoute en direct de mes chiottes. Ah oui, ça c'est sympa, ça, c'est très, très rock and roll. Et Gaëtan qui dit, moi je vous invite toute l'équipe chez moi à Fun Radio à New York, ce serait juste top. Par contre, fais pas le malin, Gaëtan, hein, parce que on peut débarquer. Arriver, hein. On peut débarquer pour faire l'émission là-bas, il y a vraiment aucun souci. On a déjà fait l'émission de New York pendant une semaine, donc on sait comment ça marche. T'inquiète pas. Bon, et donc Loïc, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Bah, essayer de me trouver. D'avoir des conseils pour savoir. Je viens te donner, là. Il faut que tu t'ouvres et il faut que tu aies d'autres sujets de conversation. Ouais. Je vais voir, enfin, je vais essayer. Parce que t'as des potes en fait, tes potes sont que dans le hand et dans le foot aussi. Ah non, pas forcément, mais j'aime bien sortir aussi, hein. je sors pratiquement tous les week-ends, je sors en boîte, tout ça, mais. Et tu sors en survêt? Non, bah non. Mais il y a des hommes en survêt qui peuvent être très sexy aussi, hein. Bien sûr, moi d'ailleurs quand je mets un survêt, je me sens tout de suite beaucoup plus sexy, beaucoup plus beau. Ah bah je t'ai jamais vu en survêt, j'aimerais bien. Ouais, bah écoute, on y pensera. Mais voilà, on y pensera. Sinon, on a eu un extrait également d'une émission que tu connais peut-être, et tu peut-être même pourrais y finir. Laquelle? Attends, celle-là. Ce soir, il y a 10 personnes à manger. Ouais, des courses à faire. Ouais. Je vais encore me les taper avec les 3 gamins. Tu pourrais m'écouter de temps en temps, s'il te plaît. J'ai pas que ça qu'à foutre. Ça te parle ou pas? Non. Non, attends, je te mets un deuxième extrait. J'ai l'impression qu'avec ces bouquins, on dirait qu'il faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là, en fait. Les grosses tapettes, là, qui disent monde et merveille. Mais en fait, le gars qui écrit ça ou la meuf qui écrit ça... Ils ont une putain d'imagination quand même. C'est de la merde. Voilà, tu vois, c'est la meuf qui ne pensait qu'à ses bouquins, tu vois, donc on fait Sosa Team. Ouais. Ouais, d'accord. Bah voilà. J'ai pas que ça qu'à foutre. T'aimerais pas finir donc on fait Sosa Team. Hein, donc intéresse-toi à d'autres choses que le sport. Bah alors intéresse-toi à autre chose. Est-ce que tu regardes ne fût-ce que les infos de temps en temps? Ouais, de temps en temps. Ouais. Non, mais pas, je te parle pas de l'équipe, hein, je te parle des infos. Le JT par exemple, le 20h ou le 13h, peu importe. Oh, ouais, je regarde. Ouais. Bon, et il n'y a pas des sujets d'actu comme ça qui t'intéressent avec les et où tu pourrais en parler en disant ah tiens j'ai vu ça, moi ça m'a énervé, j'aime pas, enfin tu vois. Parle de notre émission sinon puisque tu l'écoutes. Ça tu peux faire, ouais. Ou parle de livres. Ouais, j'ai l'impression qu'avec ces bouquins, on dirait qu'il faudrait que je fasse un peu comme ces gars-là en fait, les grosses tapettes là. qui disent monde et merveille. Mais en fait. Le gars qui écrit ça ou la meuf qui écrit ça, Ils ont une putain d'imagination quand même. C'est de la merde. J'aime bien la finalité du... C'est de la merde. Ah, oh, il était tellement bon celui-là. Non mais voilà, non mais fais attention Loïc, tu vas finir comme ça. Est-ce que vous êtes déjà tombé des filles sur des mecs comme ça qui ne parlaient que d'eux? C'est le sujet principal. Eux sont bons, eux sont beaux, eux ont tout vécu et en fait ils posent même pas de questions sur la meuf, s'en battent les couilles. Ouais non, ou moi, je suis pas tombé dessus. Hein. Jamais. Bon. Non, une fois, enfin il avait du, enfin je trouvais qu'il s'intéressait pas trop, enfin assez à moi. Oui mais voilà, mais c'est, bah, ça. Mais ça, ouais, mais c'était pas du moi je constamment, c'est moi qui trouvais que. D'accord. J'avais l'impression qu'il me posait la question pour la forme et qu'il s'en foutait en fait. Ah, ça c'est possible aussi. Attends, il y a Mystique qui dit généralement les filles aiment pas trop ne pas voir leur mec. Enfin moi ça me plairait pas personnellement. Bah oui c'est normal. Ouais, je pense que c'est surtout ça qui pose problème, c'est qu'il doit être à l'entraînement tous les soirs plus le week-end en match, parce que ça j'ai eu par contre un mec comme ça. Ah ouais. Et voilà, c'était infernal. Bah mec, à un moment faut que tu fasses des concessions. Hein. Bah ouais. Faut que tu lâches un truc ou que tu ailles un peu plus mollo sur un des deux. Enfin je sais pas moi. Parce que c'est ça en fait, le délire c'est que j'ai entraînement le lundi soir, mercredi soir, vendredi soir, ça le match suffit. Le samedi soir et le dimanche. Est-ce que tu vas coucher avec ton ballon? Ah non. Oui merde, putain, il te reste deux jours et en plus ah bah, ouais. Mardi et jeudi. Bah ouais. Bah il faut que tu fasses des concessions, mais il n'y a pas de solution de toute façon. Bah oui. Ou alors tu trouves une meuf qui joue avec toi, mais sinon... Oh quelle horreur en ce moment. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux. Il y a le prince Nadia qui dit discussion de filles, maquillage, coiffure, vêtements, chaussures, vernis à ongles, soins du visage, nous sommes si superficiels. Peut-être. On n'aurait pas osé le dire. Ça dépend mais... lesquels, il y en a. Fabienne qui dit maquillage, coiffage, branlage, suçage, de bons sujets de conversation, lol. Et encore Mystique qui dit Loïc, s'il veut avoir une meuf, faut essayer de faire des efforts aussi. Ouais. Choisir entre le handball et le foot par exemple. Et Laurent Drada qui dit We love you, fun radio, have a good night everybody. Merci Thanks beaucoup Drada. Et Stéphanie qui dit Tof change de meuf toutes les semaines, c'est normal que les voyants lui en trouvent toujours une. Oui, ça c'est pas faux effectivement aussi, oui. Bon, donc voilà Loïc, à part faire des concessions et lever le pied un petit peu sur le sport, il n'y a pas 10 000 solutions différentes. Hein. Ouais, bah je vais remédier à ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ah, bah de toute façon, ouais. Si, t'as le choix, on peut en parler, cela dit, demain, si vous voulez, hein, dès qu'on commence l'émission, là, de voir si vous êtes déjà tombé avec des monsieur, je sais tout, ou monsieur, il y a que moi qui. Monsieur, j'ai pas le temps. Ouais, monsieur. Non, même pas spécialement, j'ai pas le temps, mais monsieur, moi je. Ou madame, moi je. Tu vois, c'est genre. Ah, bah attention, je suis pas comme ça non plus, hein. Non mais au final, pas que de moi. Non mais si tu parles que de foot et que de hand et que tu te laisses pas la possibilité de t'intéresser à quelqu'un d'autre, bah si t'es un peu moins jeu. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais vu comme ça ouais. Ah bah ouais vu comme ça bah forcément tu voulais voir comment toi sinon. Bah c'est pas autant que vous le décrivez là. Non mais on exagère peut-être un petit peu mais voilà. ça peut vite arriver hein. Et puis un de ces jours il y a ta meuf elle va arriver elle va dire quoi? Va te faire enculer gros bâtard. Voilà. C'est ce qui va arriver. Non mais c'est ce qui va arriver. Ça te pend au nez mec. Ça peut pas me pendre. J'en ai pas alors, actuellement. De quoi donner? Ah bah... Non de meuf. Ah de meuf. Ah bah voilà très bien. Non bah le jour où t'en trouveras une, faudra que tu fasses attention. Voilà. Ouais bah oui. Je vais faire gaffe à ça hein. Bah oui. Il y a le prince qui dit à un moment faut peut-être que tu touches d'autres ballons. Et puis après Teddy qui dit ou alors il stoppe le sport. Non mais pas stopper le sport mais un peu réduire quoi. Voilà un petit peu réduire tout simplement. Bon Loïc, bah écoute, si tu veux on en reparle demain, y'a pas de problème hein. Ouais y'a pas de problème hein. Bon on fait comme ça marche ouais. Bon salut ouais. Loïc, à bientôt hein. Je peux passer une dédicace à Michel. Allez vas-y, y'a une personne, vas-y. Je fais une dédicace à tous ceux qui m'ont reconnu et à mon ramasseur de balles. Bon, et il continue. Ça marche. Bon, salut Loïc. Ciao, bonne fin de soirée. Allez, bonne nuit à toi également Loïc, à bientôt, ciao. Bon alors attention, on va encore faire un petit appel avant de faire le top tweetos avec Tof hein. On va continuer avec ces petits appels. Attention, c'est parti. Deux numéros, tu choisis le premier ou le deuxième? Prends le premier. Le premier, allez. C'est parti, on y va, on appelle encore puisqu'on est tombé sur une étude anglaise qui disait qu'un couple sur sept ne faisait plus l'amour. Et c'est dramatique. Et effectivement, donc on y va, on appelle. Allez. Allez. Ok, 2h du mat. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois? Pourquoi vous me posez cette question? Bah, pour savoir, monsieur. Mais ça vous regarde pas? Bah, si, sinon je vous appellerai pas, monsieur. Bah, dites-moi pourquoi ça vous regarde? Bah, parce que je vous pose la question, monsieur. Mais c'est pas une question de poser la question. J'ai pas à vous répondre. Bah, pourquoi vous voulez pas me répondre, monsieur? Bon, au revoir. Bah, non, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Ah oui mais il est parti, attends on va le rappeler hein. Bah oui c'est triste. Bah oui c'est complètement con, oui. Attends on le rappelle. je suis Toff, monsieur, madame. J'étais au téléphone avec votre mari, mais on a été coupé. Non, mais attendez, qui êtes-vous? Je suis Toff, madame. Oui, mais écoutez... Et en fait, moi, je suis Toff. D'accord. Et je voulais savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois avec votre mari? Ah, d'accord, vous posez des questions. Exactement. D'accord, ben, vous voyez, vous étiez en train de nous déranger. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question, du coup. Ben, si. Ben, non. Ah, vous devez manquer de subtilité, alors. Ben, peut-être... pas très fin, peut-être. Non, pas tellement, mais peut-être... Ouais, ben, c'est ce que je comprends. Voilà. Oui. Eh ben, alors, laissez-nous. D'accord, voilà. Mais pour la réponse à ma question... Eh ben, ça a le mérite d'être clair au moins comme ça. Hein. Ouais. Ah ben voilà, je suis pas très fin. Non, il est pas. Ben, ça, c'est pas nouveau. Non. Bon, ben, top tweetos pour terminer alors. Allons-y. Allez, numéro. On fait les 5 premiers, donc on va commencer par le premier. Hein. Les 5 premiers on du a... top tweetos, puisque on... c'est le numéro 4 qui gagne le. Le numéro 4, d'accord. Ouais, c'est le numéro 4 aujourd'hui ça qui va, gagne. Été dans la merde. Ah bon. Donc, le numéro 4 donc, qui gagne le sextoy offert par. Passagedudésir.fr. Bien sûr, merci à cette voix off dégueulasse. Allez, le numéro 1. Numéro 1, donc c'est Adeline Jolin. Ah, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Une nouvelle, bienvenue eh Adeline. Oui. T'as soit qui a été la plus influente sur le Twitter de l'émission oui. ce soir. C'est bien. Numéro 2. Cédric. Numéro 3. Let's be free. Voilà, elle a perdu des plumes. Numéro ouais. 4. Teddy Blanc. Eh ben Teddy, voilà. Bravo Teddy, tu repars avec le sextoy. T'as fini numéro 4, bravo à toi. Sauf si tu ne le veux pas, le sextoy, à ce moment-là, on l'offrira à Adeline. Hein? Bah oui. Voilà. Et numéro 5. Fabienne. Eh ben voilà, bravo Fabienne. Aussi numéro 5, c'est bien. On remettra le couvert évidemment dès demain. Il n'y a pas de problème à partir de 23h. Il y a Marie aussi qui dit un nom pour le chien. Il y a Yahoo, Iris, Imbécile, I Love Top ou DSK. I Love DSK. Non. Bah, c'est bien ça pourtant. Non, c'est chum mais c'est trop long de toute façon. Oh là là, quel relou. Et Sarah qui dit aussi Toff, seras-tu fidèle un jour, mort de rire, car tu joues beaucoup avec les filles. Oh bah ça c'est sûr. Et Let's Be Freaks, il dit Monsieur Nombril du monde, je supporte pas qu'il s'ouvre au monde, sinon qu'il reste seul. Ça le mérite au moins d'être clair, en effet. Bon, on va se faire péter le générique de fin là. Ouais. Allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé, en tant que tu ton oncle. Tu comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne peux pas dormir ou bien manger toute la journée. Pitoyable mais pas digne de pitié. Toi espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Ferme ta gueule, je t'emmerde, branleur. Bah va te faire enculer déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Demain à ta mère, c'est quand la dernière fois qu'elle a baisé. Ils sont canadiens. Pitoyable mais pas digne de pitié. Toi espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère. Pas l'enculé. Ferme ta gueule fils de pute. Ferme ta gueule de merde toi. Pas l'enculé. Tu bouffes des bitoffes toi si c'est pas l'enculé. Ferme ta gueule fils de pute. C'est un enculé. C'est un enculé. Oui tous les deux. On est des enculés c'est vrai. Ma bite. Eh ben voilà, merci Lou, comme d'habitude. Ce grand talent. Merci à vous toutes et à vous tous. Vous avez été très nombreux à débarquer ce soir. Bah de rien. Sur le Facebook et sur le Twitter. Je parlais pas de toi. Ah pardon. Oh, salut Uncut qui était là également. Didier, il y avait Abdou également. C'est les derniers qui sont sur Twitter là. Il y avait Richet également. Il y avait Alexou. Il y avait Adeline bien sûr. Avec l'anniversaire, tout ça, bien entendu. Hein. Adeline qui apparemment est dans les avions également. Eh ben très bien Adeline, nous avons un point commun. Si jamais ton père est pilote d'avion, n'hésite pas à me rencarder bien sûr. C'est Bidi Hunter également qui était là, il y avait Toumir, il y avait Apolline également qui est une nouvelle qui a débarqué tout à l'heure, Jason également qui dit good night à toute l'équipe de Fun même si vous m'avez laissé dans le froid sans l'antenne avec Fun, j'ai pas compris Jason mais bon, Ambre qui nous a rejoint également et puis Léa, hein, Quentin aussi etc etc sur le Facebook, sur le Twitter, continuez à balancer tous vos messages bien entendu, on continue à lire tout ça demain, on continuera à vous offrir votre PlayStation 4, la montre également Sony Smart Watch 2 qui est connecté directement sur votre téléphone portable hein, pour recevoir les messages, les notifications Facebook, Twitter, les appels manqués, les SMS, etc. etc. Ce sera gagné demain. Demain, ce sera d'ailleurs le retour de la rupture. Oui, parce que demain, à mon avis, il va y avoir une rupture. Ah oui, c'est voilà, vrai, demain, je t'appelle parce qu'il y a une rupture, etc. etc. Voilà. Passez une excellente nuit en tout cas. Merci aux auditeurs qui sont passés nous voir ce soir. Il y avait Marjorie, il y avait Charlie, il y avait Eugène également. Merci à vous. Hein. Faut allumer le micro. Ah, merci à vous. Eh ben voilà, de rien. Merci également à Marjorie qui est passée nous voir et qui avait ramené aussi. En fait, c'est toi qui a regardé toute la bouffe. Hein. Ouais. Oui, j'ai tout bouffé. C'était très bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. Et à Marjorie, ses attentions. Voilà, et bon retour à Grenoble, Marjorie. Hein. Merci. Et bon retour également à Châteauroux pour les deux. On embrasse tout le monde là-bas. Châteauroux. Châteauroux en force, comme ils avaient dit les auditeurs ce soir. En force. Voilà, et je rappelle qu'on sera à Montpellier, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. On fera l'émission en direct de Montpellier sur la place de la Comédie. On sera dans les studios de Fun. Hein. C'est sur la place de la Comédie. Donc, bien placé. Si mes souvenirs sont bons, il y a un quick off, c'est bien. Oui, ah bah parfait. Sur le point. On sait où on va manger. On peut là, tranquillement, tranquillement. Et on se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio. Elle va te faire enculer au clochard. Fun Radio. Mickaël, nos limites. Nos limites. C'est tous les soirs. 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement. En direct sur Fun Radio. On est là, dans toute la France, avec tout à l'heure l'arrivée de. Dans la radio. La France. La France, exactement. Qui sera là? La France sera là. Non, et non, alors, non. Juste un détail. Non, j'en connais un. J'en connais un. Déjà... Vous étiez dans le noir. Attendez, la attendez. La lumière s'allume. Ouais, mais justement. J'en connais un qui m'avait. Non, non. Qui m'avait. Défié. Défié, exactement. Ouais, c'est un défi. Et qui m'avait dit il faut que tu imites Bruno. Ouais. À Starfloor. Ouais. Sur la scène, dans le public. Alors, écoutez, merci beaucoup, merci à très bien, bon week-end et n'oubliez pas, lundi matin 6h, c'est l'heure de retrouver notre ami Bruno de la radio. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, bon et, montage, alors, et, même, vraiment, et même pour le bonus, pour le bonus, juste avant évidemment le retour dès lundi, je lui ai promis de JB l'animateur numéro 1 la nuit. Eh oui, quand même. Et encore, t'as pas laissé la réaction de Karima. Karima qui fait une seconde de blanc, qui doit se dire pourquoi. Attends, juste avant évidemment le retour dès lundi, je lui ai promis de JB l'animateur numéro 1 la nuit. C'est vrai. Oui, et nous on revient lundi avec le Doc, Karel, Lilou, Kassim. Le mieux c'est Karima qui dit mais pourquoi. Merci beaucoup. Voilà, merci et attention. Là. Merci aux auditeurs de Fun Radio. S'il vous plaît. Et merci, oui. Faites attention en rentrant. Ouais, Karima et maman, et c'est bon. Passez cette et l'équipe, vous êtes chaud. Et l'équipe de Love in Fun qui est là avec voilà, et puis après il y avait Bruno comme ça ouais. Vous entendrez tout. Ça va super bien. On n'a pas applaudi Karima et Mickaël pour la présentation du show ce soir. Merci Karima. Qui est venu que pour merci moi. Merci beaucoup. Ouais. C'était beau. Merci beaucoup. Très bien. Bon week-end. Et n'oubliez pas, lundi matin, 6h, c'est l'heure de retrouver notre ami. Bruno de la radio. Merci beaucoup. À bientôt. Et voilà. Le défi est relevé. Non, mais il n'y avait rien. Oui, d'accord. Le bravo. Défi est relevé. Je soupçonne JB d'aimer tellement embrasser Top. Exactement. Arrêtez. Qu'il y a un moment. Une fois, JB, ça va. Deux fois, là. T'es un grand animateur. Tu es numéro 1 la nuit. Tu ne peux pas. T'es numéro 1 la nuit, plus 160% d'audience. Tu peux pas passer à côté de ça. Voilà, non, mais je pense qu'il y a un la moment. France. Ouais. Moi, il me semble qu'on a promis un filet de bave à la France. Non. Voilà, un filet de bave à la France. Un filet de bave à la France. Attention, je m'installe également avec la caméra pour être sûr de. Mais vous voulez pas changer. Non. Si, on veut bien changer, mais. Si, d'accord, il peut te faire un anulingus. Non. Mais quelle horreur. Qu'est-ce que tu choisis? Il faut prendre l'un ou l'autre. Non, mais rien, Laurent. Non, si, allez hop. Allez, vas-y, la toi, France, tu peux y aller. C'est une star, JB. Ouais, je peux y aller, c'est vas-y. Bon. Allez, viens, JB. Regarde, je peux y aller. Attention, que Polo arrête de bouger avec son bras là. Mais c'est ça que moi j'aime bien, c'est que tu me donnes des défis, mais des trucs que j'aime bien. Mais j'ai pas demandé ce défi, c'est Mickaël qui m'énerve. Mec, d'ailleurs, c'est toi qui m'as demandé un défi, tu m'as défié, bah voilà. Alors, regarde-le, il est content, là. il est content, allez, voilà. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Ça va aller. Non, mais regarde, regarde, bouge mon cœur. Il aimerait bien te toucher. Ah, et ça en va, plus, et en plus, il y a les auditeurs qui ont ramené un kekoport. Un kekoport. Attends, regarde. Je sais pas si je t'aime bien. Voilà, pur beurre. Non, t'inquiète, c'est moi qui l'ai mangé. Regarde à l'intérieur, il y a un pot de cochon. Oh, c'est quoi? Non, alors là, jamais. Oh, j'ai envie de vomir. J'y mets bien vers moi, il fait j'ai envie de vomir. Mais alors, attends, ne salis pas l'image de cette star. Mais qu'est-ce qu'il. Elle va pas vomir. C'est quoi ce mec là? Bon, allez, reviens. Il va vomir. J'y mets pas sur moi. Je te jure que je me sens mal là. Mais non, arrête. Vas-y. Si tu lui vomis dans la bouche, tu as droit à. Allez, JB. Allez, JB. Allez, JB. Arrête. Oh là là. Allez, vas-y, JB. Allez, JB, tu mets la langue. Eh, mec. Eh, mais il est en train de vomir, il a des renvois. Non, JB, t'arrête. Ramène la poubelle. Arrête, JB, tu fais du sang. Eh, il va vomir, mais ramène la poubelle. Mais arrête. Non, mais t'es sérieux, là. JB, arrête. Je te jure, je suis trop mal. Il est blanc. Oh là là. Je te jure que je suis trop mal. Mais c'est quoi ce truc? C'est du pas du super bon, mais c'est du mais 4 carreaux port. Pâté, mais c'est pas du pâté ça. C'est du 4 carreaux port. Non mais m'approche pas mec. Hein. C'est de la bière. Pâté Berrichon. Je tiens pas la nuit, vous faites jusqu'à 6h là. Non allez, bon allez le bisou. Non mais arrête. Bon allez, enlève ton truc toi. Enlève le cochon de la bouche, Toff là. Oh là là. Bon allez, rince, bois de l'eau. Ouais, là, voilà, bois de l'eau là, tu. Oh là là. Voilà. C'est psychologique. Allez, rince. C'est pas psychologique là, c'est. Allez. Voilà, c'est bon, il a rincé, là il a mis de la bouche, il a mis de la bouche. Il a mis de l'eau, là c'est bon, hop, il a rincé. Oh, non, allez hop. Allez. The kiss. Vous êtes chiant, hein. Allez. Ah, ça sent d'ici. Non, non. Ça va aller. Allez, vas-y, démerde-toi. Allez. Allez, tiens-lui ses mains. Allez, ben je vais pas le tenir, de toute façon, hein. Et je veux le filet de bave, hein. Non, non. Ah, ah si. C'était le deal. Et le deal. Allez. Allez, vas-y, débrouille-toi. Vas-y, Toff, vas-y. Débrouille-toi. Allez, non, mais la bave. Comment tu veux faire un filet de bave sans langue? Mais tu fais pas le filet de bave, mais tu fais si, un fake. Avec la langue, mais il est où? Tu fais un fake. Mais tu fais un fake, allez. Allez. Polo, tiens-lui les mains. À qui? À JB. Mais non, mais laisse-les, Iso. Allez, mais vite, là. Vas-y, vite. Putain, oui, j'ai l'impression d'être chez les mecs. Mais il va pas. Vas-y, Toff, il va l'ouvrir. On fait le filet de bave si on met pas la langue. Prends les choses en main, Toff. Allez. Allez. Allez, JB, ouvre la bouche. Ouvre la bouche, JB. Allez. Non, mais il a refusé, là. Il non, a refusé. Mais JB, arrête. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, mais vas-y. Vas-y, juste là, sur les. Vas-y, vas-y. Tu vas lui faire mal. Ah, ça va, arrête. Oh, ce shot. Là, il a mis la langue, là. Alors j'espère que ça a bien été filmé, on verra. Qu'est-ce que t'as vu? Je l'ai vu, le pauvre JB, il a été plaqué contre le mur. Oui, et violemment. Il est en train de vomir. En plus, t'imagines, t'as eu un petit morceau du pâté de porc. Oh là. Pâté de porc. Non, mais il en reste. Alors ça, c'est quand même pire que je crois que le bisou de Toff. Le pâté de porc. Non mais dégagez-moi ça. Allez, on lance la musique. Nuit sans pub. Nuit sans pub, très bien. On balance la musique. Ouais, exactement, oui. La France est fière de toi. Ouais, la France est fière, ouais. Ah, j'ai passé le pire moment de ma vie. Oh, ça va. Eh, hey, on va se mettre Red Foot, tu vas aller MFAO. Ah oh, ouais, génial. Bah tu mets ce que tu veux. Mais Linkin Park, perso. Bah je vais te le mettre. Ouais, bah mets ACDC, on s'en fout là. Non, okay, non, d'accord. On va mettre Jason Derulo. Non, non, mais après, moi, si, c'est toi qui m'as demandé. Hein. Non. Si, c'est toi qui m'as demandé. Non, franchement, merci JB pour ce choix. Franchement, ouais, vraiment bien. Ouais, bon, alors toi, tais-toi. Hein, non, mais tu m'as demandé. Moi, après, tu sais bien que, en plus, après ce que je viens de te faire, là, c'est quand même un minimum de rendre service, quoi, tu vois. Putain, je suis mal, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le bisou? Non, mais c'est le pâté. Pas. C'est le pâté ou le bisou? Touche mon cœur. Car ça, il veut qu'on le touche encore, c'est un truc de ouf. Oh, ça je vais pas bien. Mais c'est un truc de ouf. Oh, je vais là pas là bien. Ah non, mais c'est... je savais pas que je pouvais mettre des mecs dans cet état-là. Je vais pas bien. Voilà. Ça va mieux là? Ouais, c'est quoi ça? Bah, tu as demandé à CDC, moi je te mets de cirque. C'est drôle ça. Hein? Alors, ce sera les cloches de JB, tiens. C'est pour son enterrement, mais c'est ça. C'est ça. Quand il décédera. Adieu JB. Voilà. Il était animateur la nuit. Et son cœur, il bat à 200 à l'heure. Malheureusement, il n'a fait qu'un seul sondage dans le vert. Bien. Il était numéro 1, il n'a pas survécu malheureusement, et c'est bien malheureux. Le pâté a eu sa peau. Mais je vais m'en souvenir toute ma vie. Nous penserons 4 à... 4 quarts, c'est du 4 quarts au port. C'est du 4 quarts au port. Nous penserons à JB dorénavant, toutes les nuits. Nous nous souviendrons de JB. Exactement. Quel enfer. Grand, fort. Nous nous souviendrons de ce filet de bave. Qui coulait, telles les chutes. Oh. C'était beau, non? Tu vas en rêver ou pas? Oh là. Mais tu sais, cette image du pâté de porc qui coupe, ça va. Mais dans ma vie, je vais y penser. C'est du 4 quarts, du 4 quarts au du porc. Du 4 quarts au porc. Bon, on va te le laisser dans le studio. Non, ouais, tu peux en manger ce soir si tu veux. On va te le mettre comme ça, si vers 3h, 3, 4h du matin. Demain matin avec Bruno. Avec Bruno, toi, demain matin. Hop, il arrive comme ça, Bruno. Tu dis, hey mec, 4 quarts au porc. Allez, hop, c'est parti, là, on y va, on sait pas chier. On sait pas chier. Je te laisse les CDC ou pas alors? Non, on va mettre. Mais ce que tu veux. Bah, CDC. Ah, bah, LMFAO. Bah, tu me dis, alors ça c'est bien l'animateur, tiens. Mais mets ce que tu veux, mais alors on va mettre les FAO. Bah, j'ai changé d'avis. Pas. Voilà. C'est une star, il fait ce qu'il veut la nuit. J'ai changé d'avis. LMFAO, allez, envoie. C'est un ordre que tu me donnes là où je rêve. Hein? Allez, en avant, Simone, tape 13, tu vois. Tape 13. Pourtant, c'est bien, c'est dancefloor, non? Bon, putain, mais là, j'ai honte. Bah, arrêtez, les gars. Si Jérôme écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah. Ça fait partie de l'histoire de Fun, oui. On passait ça avant sur Fun, hein, si tu veux. Ah ouais, mec. Eh ouais, mec. Bon, t'étais pas né, c'est vrai, mais. Oh, j'étais poisson, pas né, d'ailleurs. Oh putain. Cache-toi. Tu peux te cacher, va. Mec, on te laisse le cake. Oh, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. C'est dingue, quand même. C'est une honte. Allez, à demain. Ouais, c'est ça, ouais. À deux pieds. Ferme ta gueule, je t'emmerde, branleur. Bienvenue, je m'appelle JB, je vais mal, il y a toujours le pâté à côté de moi avec, non mais il est là-bas, hein, je vous jure, avec un bout du filet de bave de Toff sur ma bouche, je vais mal. On va vous mettre la vidéo sur Twitter et Facebook, hashtag Mickaël. Je vais quand même rester avec vous jusqu'à 6h, à 6h Bruno dans la radio, et puis d'ici là, voici Drake, le tube Fun Radio. I got my eyes on you, you're everything that I see.